Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement en ce mois d'août de l'année 2022 que j'effectue en compagnie de Berthold qui va porter sur des sujets variés. Donc ici David au micro et vous pouvez voir présentement à l'écran Berthold. Bonjour Berthold, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Excellent. Donc, je salue également là, toutes les auditrices et auditeurs qui écouteront cet enregistrement. Donc, pour ce soir, plusieurs sujets que j'ai sur la table. Donc, il y a le phénomène du suicide, la colère mentale, la guerre occulte, entre autres, que je veux aborder. Mais juste avant, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent présentement que Berthold est un YouTuber et qui présente une chaîne de diffusion sur YouTube où il réalise régulièrement des enregistrements en direct devant public. Et vous allez pouvoir donc retrouver ces coordonnées là en bas de l'enregistrement pour les gens qui ont envie de le découvrir davantage. Et sinon aussi, pour les gens qui aiment les vidéos ou les enregistrements audio de Berthold, eh bien, naturellement, je vous invite à faire des sauvegardes, étant donné qu'il m'a confié qu'il ne sauvegardait pas son matériel. Donc, tu sauvegardes pas tes enregistrements, là? Ouais. Non. Ça a été quelque chose qui m'a surpris quand on a parlé de ça. Dans le fond, il y a quelques temps, parce que tu en as quand même réalisé une grande quantité, là. Oui, mais je sais qu'il y a des gens qui les sauvegardent. Oui, et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je salue Supramental Berthold. Donc, il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle ainsi, où vous pouvez retrouver au-dessus de 300... extraits audio de Berthold qui proviennent de ses enregistrements live. Donc, il va, celui qui s'en occupe, sélectionner les extraits les plus significatifs. Même chose par rapport aux enregistrements d'entrevues que je fais avec lui. Donc, comme au fil du temps, il fait un travail de moine, parce que sur sa chaîne, il y en a plusieurs centaines. Eh bien, s'il nous écoute présentement, comme à l'habitude, je le salue en particulier. Donc, ceci dit, on va commencer à aborder différents sujets aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais aborder le sujet qui peut être délicat du phénomène du suicide. Donc, au moment où on se parle, on vit une période où il y a beaucoup de tensions sociales. Il y a des gens qui vivent du stress. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Il y a des gens qui ont de la difficulté à arriver financièrement avec l'inflation. Il y a des gens qui connaissent la guerre, si on pense à la situation en Europe de l'Est. Et il y a des gens aussi qui, au niveau occulte, estime vivre des formes d'attaques psychiques, des pensées morbides, des pensées anxiogènes. Des gens qui vivent beaucoup de stress aussi par rapport aux différentes crises auxquelles on a été exposés depuis les derniers mois. Et par rapport au phénomène du suicide où des gens vont s'enlever la vie, est-ce que, premièrement, on peut commencer par définir selon ce que tu en captes, ce que l'on t'en perçoit là, du phénomène du suicide, pour toi, est-ce que le suicide est nécessairement, comme l'énonçait entre autres Bernard de Montréal, le fait d'individus qui sont amenés au suicide de par des entités? Ça peut être tout simplement par ce qu'on pourrait appeler l'ego qui se désinforme lui-même. Quelqu'un peut être amené au suicide tout simplement par subjectivité, mais jusqu'à un certain point, c'est tout le temps occulte, pareil. Le suicide, il y a toute une partie occulte. S'il n'y avait pas une partie qui est occultée, les gens ne se suicideraient pas, mais c'est du cas par cas aussi. Oui. Et Par rapport à ça, l'une des dimensions qui est souvent occultée aux êtres humains, c'est la pensée. Et par rapport à ça, est-ce que pour toi, le fait d'affirmer, comme le fait plusieurs instructeurs supramentaux, que ce soit Marc de la Salle, Bernard de Montréal et plusieurs autres, que la pensée vient d'ailleurs, puis que des entités qui infusent des pensées dans le mental humain, qui dans certains cas viseraient à les amener à un état de déchéance psychique, est une réalité? Oui. Mais c'est plus vaste que ça, mais oui. C'est surtout que la pensée au niveau de la subjectivité d'un individu va se servir de l'illusion du libre arbitre pour les amener au suicide. La personne va penser que c'est elle qui fait ce choix-là, puis qu'il n'y en a pas d'autre. Mais finalement, c'est encore une illusion. Ça sert. C'est comme si le libre arbitre servait à amener des gens au suicide, mais ça reste une illusion. Quelqu'un qui se suicide, habituellement, c'est par subjectivité, par rapport à sa vie, par rapport à lui-même. Mais en même temps, si on pense au phénomène de mourir dans dignité, que depuis les dernières années, là, dans des sociétés comme celle québécoise, on reconnaît qu'un individu qui souffre trop peut, entre autres, demander l'aide médicale à mourir. Donc, par exemple, quelqu'un qui vit une détérioration de sa qualité de vie en lien avec une maladie dégénérative, comme par exemple un cancer généralisé, qu'on sait que sa condition risque juste de se dégrader dans les mois qui suivent. Est-ce que pour toi, derrière ça, parce que c'est une forme de suicide, là, est-ce que pour toi, l'esprit, il y a de l'intelligence derrière ce type d'ajustement-là? Ben, jusqu'à un certain point, oui, mais ça a toujours existé quand même. Je veux dire, il y avait des hospitaliers, des fois, qui aidaient des gens à mourir. Oui, mais avant, C'est c'était sous arrivé. forme voilée. En fait, je peux t'en parler très bien parce que quand que j'étais plus jeune, alors que j'avais 17 ans, mon père est décédé, on dit, du cancer. Ça, c'est la raison officielle, mais officieusement, c'est sûr que les doses de morphine dans les dernières semaines qui ont précédé sa mort étaient de plus en plus importantes. Et dans le fond, probablement ce qui est arrivé, parce que dans les dernières heures avant qu'il meure, il hyperventilait, là, je l'ai vu carrément mourir devant moi, c'est que probablement qu'il a fait une overdose de morphine qui a amené son cœur à cesser de fonctionner là, adéquatement, là. Oui, ben, j'ai aussi vu des cas comme ça de gens qui ont disait en fin de vie, mais au fond, pour que les gens restent confortables, on montait les doses de morphine, puis souvent, ben, la personne, ou des fois quand c'est une personne très âgée, ben, à cause de la morphine, le système digestif est plus capable de fonctionner, donc les gens s'affaiblissent de plus en plus, on pouvait plus les nourrir normalement. Donc, jusqu'à un certain point, c'est, si on peut dire, ça n'a pas le choix, là. Bien, c'est ça, Sinon. ça mène vers la mort, sauf que quand que ça a survenu, ça, c'est il y a plusieurs années, là, où, je veux dire, c'était en 1998, tandis qu'aujourd'hui, en 2022, probablement que mon père, en ayant la même situation, c'est-à-dire qu'il était atteint du cancer de l'intestin, puis le cancer était généralisé dans l'organisme, faisait juste dépérir, bon, ben, il aurait pu demander l'aide médicale à mourir, probablement que ça serait accordé, puis tout ça serait fait ouvertement. Oui, mais c'est ça, au fond, il n'y a pas de vraiment de changement tant que ça, là. C'est juste au niveau législatif. Oui, Mais il que. reste que. Mais c'est comme j'ai une tante aussi qui a demandé l'aide à mourir parce qu'elle avait une maladie dégénérative. Mais au fond, si elle voulait mourir, c'était à cause des conditions, là, de l'endroit où elle était, là, par rapport à la gestion, là, par rapport aux 2 dernières années qu'on vient de vivre. Oui, au Donc, elle moment où n'avait ce qui plus est de fait cet qualité de vie. enregistrement, je rappelle aux gens qu'on est en 2022. Et en lien avec ça, en fait, sur le quoi que je voulais t'amener. Puis qui est délicat comme sujet, c'est est-ce que pour toi, au niveau de l'esprit, c'est intelligent qu'une société légitime le suicide puis l'aide médicale à mourir de plus en plus? Parce qu'on s'en va vers ça, là. Ben, c'est du cas par cas. Mais d'une autre façon, on amène les gens à mourir. Je veux dire, c'est clair que ça fait partie de la gestion, dans le sens que au niveau, on va demander, par exemple, on fait en sorte que les gens aillent vers ça comme unique possibilité, beaucoup. Puis d'une certaine façon, c'est comme si on cherchait à soulager un système de santé, au fond, qui était entretenu exprès pour être surchargé. Donc, ça devient comme quelque chose qui s'impose. Mais pour ça, c'est parce que ça a été voulu, là, en mon sens. Parce que moi, Dans le sens que... oui. C'est parce que moi, dans le fond, ce que je perçois en lien avec ça, c'est que comme une escalade, au début, on légitime ce qui est plus grave, là. Par exemple, la personne qui est atteinte d'un cancer en phase terminale, puis c'est très lourd. Ensuite, ça se peut que ça soit quelqu'un qui est atteint de dépression chronique. J'avais vu un cas d'une dame en Europe, puis elle avait eu l'aide médicale à mourir en lien avec ça. Puis en bas de la Ah oui, là, dépression c'est une chronique, ça dérive. devient une dépression majeure ou ponctuelle. Tu sais, si tu vas avec C'est ça. l'escalade. Ben, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui vont considérer la vie comme intolérable. Mais au fond, c'est dans le fond, c'est du darwinisme social, c'est-à-dire qu'on va se servir de des prétextes, puis de la bonne foi, puis de l'empathie pour en fond, dans le fond, justifier le fait qu'on veut se débarrasser des gens qu'on considère comme faibles. Puis qu'on ne respecte pas au fond. Parce que l'aide médicale à mourir pour quelqu'un qui est en dépression chronique, à mes yeux, c'est hypocrite. Il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Si la théorie selon laquelle c'est lié à la biochimie dans le cerveau est réelle, ça serait supposé, il serait supposé être capable de faire en sorte que ça arrive pas, que la vie soit pas insupportable, mais malheureusement, c'est plus complexe que ça. Donc, ça sert de prétexte, mais de plus, c'est comme pour tout le reste. Au fond, on cherche à justifier une gestion par la mort de la vie, c'est-à-dire on va se débarrasser des gens qu'on considère qui sont plus faibles, puis qui contribuent pas à la société. C'est, on s'en va de plus en plus vers une vision où c'est un peu comme une ruche d'abeilles. L'abeille qui n'a pas d'aile, on la nourrit pas parce qu'elle ne sert à rien. Les ouvrières la sortent de la ruche puis elle meurt de faim dehors. Donc, autrement dit, on est en train de légitimer une forme de darwinisme social avec le vernis spirituel, qu'on est humain, on veut éviter que la personne souffre, on veut bien faire, puis regardez, on va la sauver de la souffrance, mais en l'amenant vers la mort. On veut pas la sauver de sa souffrance, au fond, Bien, on parce veut que que la ça... souffrance cesse, la personne décède, elle souffre plus. Oui. Mais on considère que c'est des gens qui apportent rien, qui servent à rien. Ça a l'air dur, mais il reste que c'est parce que c'est les gens qui, jusqu'à un certain point, vont influencer certains courants de pensée qui vont après ça orienter la législation. Eux, au fond, c'est réellement des darwinistes sociaux. Puis ils s'en foutent qu'un faible aille bien, parce que même là, ça peut prendre des années avant qu'il redevienne productif. Mais en attendant, ils génèrent quand même, on s'en sert quand même parce qu'ils génèrent des profits, parce que, bon, il y a des Donc, autrement antidépresseurs, dit, des faibles. on est géré comme un bassin de main-d'œuvre, un peu comme nos ancêtres qui pouvaient être traités comme des esclaves. Ben oui, ben c'est ce qu'ils appellent de la ressource humaine. Donc, c'est une gestion de la ressource humaine. De plus en plus, même les populations générales sont considérées comme un bassin d'expérimentation, clairement. Avant, on pouvait expérimenter sur des prisonniers, des choses comme ça, mais là, de plus en plus, les corporations vont expérimenter sur le bassin de la population générale, qui Ben va oui. servir de bassin expérimental parce qu'il y a de plus en plus une fusion entre le corporatif et le politique. Exactement. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, je voulais quand même te ramener sur le sujet du suicide parce que j'ai eu deux échanges particuliers avec des gens sur le web parce que la personne qui se conscientise peut être exposée à beaucoup de souffrances. Perte d'emploi, ensuite la personne peut vivre une dépression, la maison prend en feu, problème de santé grave. Et j'ai eu des gens qui ont été confrontés à beaucoup d'obstacles. Et ce qui est drôle, c'est que deux personnes séparément m'ont écrit à quelques jours d'intervalle, dans le fond, si d'ailleurs ils m'écoutent, je les salue, qu'à un moment donné, ils ont tellement souffert qu'ils ont monté en colère contre l'esprit en disant, en québécois, ça serait comme tabarnak, là, faut que ça arrête, là. Puis, il y en a qui ont, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont menacé par rapport aux événements oppositionnels en grande quantité et la souffrance vécue, l'esprit de suicider si ça n'arrêtait pas des événements oppositionnels. Ben là, ce qui arrive, c'est que, au fond, c'est des formes qui vont servir de support pour générer des ressources, au sens de la survie. Mais là, c'est pas normal d'être obligé d'aller vers des pulsions de mort pour que une ressource de pulsion de vie, si on peut dire, d'instinct de survie, se manifeste. Il y a quelque chose qui est très grave là-dedans. Non, exactement. Par contre, le point, ces deux personnes-là différentes, ce qui en ressortait, c'est que, dans le fond, ils ont confronté l'esprit dans un dialogue intérieur en disant, le Christ, t'arrêtes pas de m'envoyer des événements de marde, puis de la souffrance, puis des oppositions, je vais me suicider. Puis, en une des deux, cette personne a dit, regarde, j'étais sincère, puis j'étais vraiment déterminé, puis je pense que l'esprit a senti que j'étais vraiment prêt à passer à l'acte, puis par la suite, il y a une accalmie. Ouais, parce que là, jusqu'à un certain point, c'est comme une interprétation de l'événementiel. Mais peut-être qu'il y a eu, si on peut dire, un ajustement des événements par rapport à une montée en vibration, tout simplement. Dans le sens que les choses vont se mettre en place dépendamment des fois de la vibration de la personne. Si il y a des phases comme ça extrêmement intenses, c'est certain que inconsciemment, souvent, on va se mettre en position de vulnérabilité sans s'en rendre compte. Puis ça peut durer longtemps. Puis après, quand il va avoir, si on peut dire, une intégration plus de ce qu'on pourrait appeler l'énergie, de la capacité de donner une direction à l'énergie, là, tout d'un coup, ça semble s'ajuster. Tout semble s'aligner. Mais ces phénomènes-là, c'est peut-être plus vibratoire qu'on le pense que lié à réellement l'esprit qui réalise qu'il y a un réel danger. Mais en fait, ce que je voulais emmener, parce qu'on parle souvent dans le domaine de la conscientisation, que l'ego est ajusté par l'esprit avec des événements oppositionnels pour faire réaliser ses failles. Mais est-ce qu'à un certain point, l'ego qui souffre trop de l'esprit, quelqu'un qui vit, par exemple, plusieurs pertes financières significatives en quelques jours d'intervalle où la maison prend en feu en plus, tu sais, les gens qui m'ont parlé, je me rappelle pas du détail, mais c'était des événements importants, très souffrants, vécus avec une grande intensité, puis. Des deux témoignages différents que j'ai eus, c'est comme ils ont mis leur poing sur la table, en disant, tabarnak, ça suffit, si ça s'arrête pas, ils ont menacé de suicider, puis il y aurait eu une accalmie, à savoir est-ce que l'ego peut créer un choc à l'esprit tellement fort qu'il est obligé d'ajuster ses programmations? Ben moi, ce que je vois là-dedans, c'est une certaine synchronicité, plus que l'esprit qui recule. Mais ça, c'est du cas par cas. Comment je pourrais dire ça? C'est difficile à expliquer des choses comme ça. Ben, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je veux avoir ton éclairage, parce que là, ces gens-là me Ben, partagent c'est ça ça, c'est comme parce que c'est du cas témoignage, puis je par trouve cas. ça très délicat. Ça dépend tout le temps les détails, le Oui. contexte, les circonstances. Souvent, la personne, elle va atteindre le fond du baril puis avoir la capacité de le remonter. Mais ça va être à cause d'une subjectivité inconsciente. Ça va coïncider avec là où, justement, les choses vont se réaligner puis se replacer. C'est comme si la personne, inconsciemment, sans s'en rendre compte, elle va ajuster ses nouvelles ressources de survie ou un nouveau mouvement. Ça va coïncider avec des choses qu'inconsciemment, c'était le temps que ça soit là. L'être humain, il sait tout au fond de lui-même. C'est un peu comme si, d'une certaine façon, on connaissait même certaines choses qui sont liées à la programmation dans notre vie, mais ça reste, au niveau d'un ego incarné, ça reste dans des parties plus prépersonnelles, là. Donc, c'est pour ça, là, que c'est comme si les structures s'ajustent un peu. C'est des phénomènes de survie. C'est des phénomènes de survie. Puis ce que je vois surtout là-dedans, c'est qu'il y a une polarisation pareille. Puis c'est peut-être l'affaire d'être obligé d'aller vers des pulsions de mort pour déclencher des phénomènes que tout d'un coup, là, il y a des pulsions de vie qui arrivent exactement en même temps que les choses se réalignent. Oui, ben c'est parce qu'il y en a une des deux personnes qui me confiait, c'est qu'en faisant ça, elle dit c'est probablement que l'esprit a réalisé que j'étais sincère, que j'étais prêt à passer à l'acte. Puis là, l'esprit qui voulait pas me perdre pour recommencer tout le processus évolutif avec un autre ego, ben il a comme obtempéré puis il a foutu la paix pour pas que justement qu'elle perde son vécu expérimental puis qu'elle cesse sa vie. Parce qu'au niveau des rapports avec l'esprit, on égoïse l'esprit. Comme l'esprit a réalisé que... Oui, je comprends. Il y a de l'anthropomorphisation par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, j'essaie d'étudier comment que l'être humain peut en venir à un rapport de force avec l'esprit pour pas juste en être la victime à travers des événements oppositionnels très lourds, puis essayer de retourner la situation à son avantage. Ouais, mais c'est quoi qui est réellement à son avantage au niveau de la, si on le regarde occultement, dans le sens que si la personne elle a des choses intégrées, puis pour ça, il faut qu'elle ait tout le temps juste assez de cordes. C'est clair que ça va coïncider avec, on, c'est comme si là, tout d'un coup, l'esprit, l'événementiel, les choses, là, il y a du lousse, là, comme s'il y avait une petite accalmie, parce que la personne en a besoin. Mais au fond, c'est comment, c'est quoi qui fait qu'on intègre? C'est par des, d'une certaine façon, c'est par de la souffrance expérimentale. Puis, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, pour certaines personnes, on dirait que ça s'ajuste, c'est-à-dire ils vont tout le temps être à la limite, là, après ça va mieux, puis là, après ça, oups, et ça continue, ils retournent avec des problèmes, puis là, ça arrive encore à la limite, c'est sur le bord de la fracture. Après, tout d'un coup, oups, ils ont un petit peu de lousse, puis là, puis c'est ça toute leur vie. Il y a beaucoup de gens que c'est comme ça. Fait que c'est comme, oui, il va y avoir du lousse, mais, tu sais, je veux dire, ça s'ajuste étrangement bien. Puis l'ego, après, il va rationaliser. Puis il va dire, ah, l'esprit a réalisé que là, j'étais sur le bord, puis que ça allait passer proche, fait qu'il m'a donné du lousse un peu, il m'a donné de la marge. Mais ça, c'est d'un point de vue psychologique de l'ego. Qu'est-ce qui se passe réellement, occultement? C'est clair que l'ego, il est manipulé pour penser ça, en rationalisant ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça le phénomène. Est-ce que, là, ah, l'esprit va être obligé de recommencer tout le processus avec un autre ego. Pourquoi? Ce qui est enregistré, c'est enregistré. C'est pas perdu. Non, exactement, mais c'est parce que dans le fond, ça demande quand même de l'énergie si on part du principe que l'individu, l'âme se réincarne, puis là, il faut qu'elle naisse, puis apprenne à marcher, puis tous ces cossins-là, ça demande beaucoup d'énergie pour en venir à un point où il peut y avoir une forme de développement au niveau psychologique ou psychique. Ben oui, mais ce qui est enregistré, c'est enregistré pareil. Oui, mais Ça, en même on temps, revit comme. jamais deux fois la même chose, pas besoin. Mais Je veux dire. en même temps, comme Bernard de Montréal disait, c'est que si la création engendrée par les plans est pas capable de se réajuster à l'esprit, puis à un moment donné, ils sont obligés de détruire l'âme des êtres éthériques, ben ça leur fait comme de la peine parce que là, ils sont obligés de repartir avec l'énergie reconditionnée. Les êtres éthériques qui ont de la peine. Ben, c'est ce qu'expliquait. Il disait que c'était des êtres qui étaient sans yeux pour pas voir l'homme qui se fait détruire parce que ça leur crée un choc, parce que ça confirme le fait que les ajusteurs de pensée, quelque part, manquent d'ajustement, les limites des créateurs. C'est quelque part là, c'est là que j'irais jusqu'à dire, ben là, c'est un petit peu naïf, ça. Dans le sens qu'il y a un contexte qui est mis pour qu'on pense que. Puis il y a encore le côté prends pitié de nous. Puis ça, j'ai un petit peu de misère avec ça parce qu'ils n'en ont pas de pitié. Puis ils en ont. Moi, j'ai jamais ressenti, en tout cas au niveau de certaines choses, j'ai jamais ressenti aucune peine pour l'être humain. Non, au niveau de l'esprit, c'est très froid. Si on peut ressentir la pitié, c'est sûr que ça peut être lié à de la subjectivité qu'on projette ou de l'astralisation. Pourquoi qu'on est là depuis des siècles à dire prends pitié de nous? Dans le sens que ça se peut-tu que l'autre bord, ils n'en ont pas? Sinon, pourquoi on le demande? Non, exactement. Mais par rapport à la question du suicide, ce que je voulais dire en passant, pour les gens qui nous écoutent, je dis pas aux gens de faire comme eux puis de menacer l'esprit de se suicider, là, c'est pas ça du tout. Ben L'objectif de ça, l'en... ouais. C'est ça, l'objectif de l'enregistrement aujourd'hui, c'est plutôt d'éclairer puis de regarder jusqu'où une personne qui peut être désespérée, qui dit qu'il. Parce que des gens qui me disent qu'ils vivent une initiation liée à l'esprit très difficile, ou ce qu'ils vivent beaucoup d'opposition. Très souffrante, tu sais, ça peut être. Puis il y a plein de personnes qui nous écoutent qui peuvent, dans certaines périodes de leur vie, comme vivre plein d'événements en choc, comme comprimés dans le temps, dans un délai très rapproché, comme des pertes financières, ensuite problèmes de santé graves, ruptures amoureuses, tout rapproché, puis ça crée beaucoup de tensions. Fait que là, c'est de voir comment composer intelligemment là, par rapport à tout ça dans l'optique de mettre de l'ordre, puis que ces événements-là cessent, là. Ben là, c'est parce que cette souffrance-là est censée au moins générer une colère. Oui, ça m'amène à. Ensuite, Oui, vas-y. prendre l'énergie de cette colère-là pour générer de la volonté qui va permettre au moins de combattre l'événementiel. Dans le sens, elle va venir de là, entre autres, ça peut venir de là, la force de survie, l'instinct de survie, mais d'avoir un commerce avec les plans. Au point de faire du chantage affectif au plan, ça, c'est parce qu'on est mal éduqué. Parce que ça, c'est des choses qui, justement, vont plus servir à nous faire intégrer de force qu'autre chose. Menacer l'esprit, comme si on fait comme un immature là, qui sa femme la menace de le quitter, puis dit, tu me quittes, je vais me suicider. Si on se met à avoir des rapports comme ça avec l'invisible, c'est parce qu'on est manipulant encore. Oui, je comprends. C'est une forme de chantage émotif qu'on peut voir, par exemple, à travers certains couples dysfonctionnels. Sauf que le point, c'est quelqu'un qui est confronté à plein d'événements difficiles dans un délai de temps rapproché. Comment, justement, au niveau occulte, en arriver pour que ces événements-là cessent, ces oppositions? Ben oui, mais c'est parce que c'est au niveau de l'événementiel, dans le sens que par rapport, là, s'il y a une colère qui est générée, parce que c'est injuste qui m'arrive, bon, ben cette colère-là est supposée servir d'énergie pour faire une volonté, pour essayer justement de que la personne en mette de l'ordre autour d'elle pour empêcher certains événements. Je veux dire, quelqu'un là il est sur le bord de mourir parce qu'il y a une cirrhose du foie. Ça donne quoi de dire à l'esprit, si tu m'aides pas parce que j'ai de la peine, puis je vais être obligé de noyer ma peine, puis je vais mourir. Ça revient encore à la même chose. Dans le sens, est-ce que c'est réellement dans un commerce comme ça avec les plans que. Dans le sens, si ça va pas au niveau de l'événementiel, ça veut dire que c'est sur ce plan-là qu'il faut agir. Dans le sens, est-ce que ça va partir par une espèce de commerce avec l'invisible? Oui, ben, l'action au niveau événementiel, bon, admettons quelqu'un qui est atteint, c'est un cas fictif, là, admettons la personne est atteinte d'un cancer, bon, s'il n'est pas généralisé, bon, c'est sûr que la personne peut consulter un médecin conventionnel, faire de la chimiothérapie, voire même à toucher à des thérapies alternatives en complémentarité, si elle veut. Mais il y a des points de non-retour, dans le sens que si la personne a un cancer généralisé, il y a des métastases qui se sont véhiculées un peu partout dans le corps. Puis à ce moment-là, ben, la chimiothérapie, radiothérapie servent plus à grand-chose. Bon, ben, une personne rendue à ce stade-là, puis qu'elle veut vivre, tu sais, qu'est-ce qu'elle peut faire, là, tu sais? Ben, elle peut rien. Dans le sens qu'il va falloir qu'elle passe différentes phases qui vont jusqu'à l'acceptation. Si, d'un point de vue de la logique des lois du plan matériel, elle peut pas vivre. Quand quelqu'un, ses jours sont comptés, ses jours sont comptés. On peut pas commencer. Qu'est-ce que tu. C'est pour ça qu'il y en a, ils vont retomber dans une certaine. Au début, à un moment donné, il y a un désespoir. Après, il va avoir comme des phases clairement identifiées, même comme le marchandage. Je vais parler jusqu'au marchandage avec l'invisible, genre mon Dieu, si tu fais que je guéris, je vais te faire construire une chapelle. Mais là, c'est parce qu'on n'est pas pour être éternellement dans le plan matériel non plus. Même dans le temps que les gens vivaient peut-être plus que maintenant, plus longtemps, ils n'étaient pas là éternellement nécessairement. Dans le sens que à un moment donné, l'expérimental, il est là pour une certaine intégration, ce qu'on pourrait appeler un processus évolutionnaire. Mais une fois que la programmation est finie, faut que l'énergie, elle passe à d'autres choses. Je veux dire, C'est est-ce qu'il y a ça, rien? mais en même temps, si l'ego, lui, a la volonté de dire, ben, je veux rester sur Terre tant aussi longtemps que je le veux, puis c'est pas vrai qu'ils vont me faire mourir plus tôt que quand j'aurai pas fini de faire ce que lui évalue qu'à accomplir, là. Ouais, mais là, ça, c'est parce que ça peut créer des. Après ça, on se demande pourquoi qu'il y a des phénomènes de persistance de défunts qui se manifestent, puis qui harcèlent des proches, puis c'est si la personne elle meurt en colère, puis elle meurt genre j'ai encore des affaires à faire, c'est parce qu'elle est bien trop attachée. Tu sais, je veux dire, faut qu'il y ait un milieu. Il y en a, on dirait que quand c'est le temps de mourir, ils veulent pas. Puis il y en a d'autres, quand c'est le temps de vivre, ils veulent mourir. Fait que moi, c'est sûr, je regarde ça, je me dis, bon, c'est spécial. Il y en a qui ne veulent pas comme. Et peu importe ce qui se passe, ils ne seront pas contents. Mais là, qu'est-ce que tu veux qui. Dans le fond, le monde, ils vont tout le temps faire ce qu'ils ont à faire. Puis ça a l'air qu'il y en a qui, au niveau de leur évolution, ben, ce qu'ils ont à faire, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus intelligent à faire, mais c'est pour ça que chacun a son affaire, chacun a sa programmation à lui, dans le sens que c'est comme si on voudrait une science magique pour aller contre les lois systémiques de la vie. On est dans un contexte, on peut pas outrepasser ça tant que ça. Donc, Il y en a qui disent, oui. ben, la vie, c'est des. Bon, il y en a d'autres qui vont dire, la vie, c'est de la. Bon, La vie, c'est de la bon, merde. les autres en haut, ouais. Il y a pas de gêne à prononcer ça, là. Ben non. Tu Ben, les sais, autres en haut, c'est des chiens. exactement. Ben oui. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière ça, puis qui m'interpelle, c'est de voir que des gens qui vivent beaucoup de souffrances, qui atteignent le fond du baril, en viennent à un point tel qu'ils se sentent persécutés par l'esprit, qu'ils veulent, dans le fond, essayer de marchander avec lui pour le menacer de suicider, là. Ben moi, je peux pas. Tu sais, je veux dire, je comprends, là, mais d'une certaine façon, je vois ça un petit peu comme de l'illusion. Parce que si ça, tout d'un coup, il y a des événements qui arrêtent d'aller mal, ben, tu sais, je veux dire qu'il y a moins de confrontation dans l'événementiel. C'est pas parce qu'on a menacé l'esprit. Ça peut pas marcher de même. Mais Je en peux pas même voir temps, ça de la comme ça. façon que je le comprenais, c'est que l'ego sur Terre a ajusté l'esprit, dans le sens qu'un ajusteur de pensée peut être ajusté par le vivant. De ce que je comprenais, c'est que l'esprit, au niveau théorique, ils ont accès au savoir, la science de la vie, mais au niveau pratique, ils ont à s'ajuster à l'individu qui vit sur le plan expérimental. As-tu pensé le nombre d'égos qui se sont incarnés? Puis là, nous autres, en tant qu'égos, on pense qu'on a plus la science des lois de la vie que ces plans-là, qui ont Ben, tout archivé, qui ont tout enregistré, qui ont tout étudié. je comprends qu'il peut y C'est avoir. sûr que ça a l'air désajusté des fois, puis tout, mais ça va vouloir nous entretenir dans l'illusion que c'est nous autres qui ajustent l'esprit, alors qu'à chaque fois, c'est jamais l'ego. Je veux dire, ça peut pas être l'ego. Quand quelqu'un évolue ou que quelqu'un devient créatif dans sa vie ou qui entre dans plus dans une puissance dans sa vie, c'est sûr que ça va pas être parce qu'il a ajusté. Tu sais, je veux dire, ça peut passer par là, ça va prendre ces formes psychologiques-là parce que l'ego en a besoin. Mais quelque part, il y a quelque chose d'une sorte de subjectivité qu'on appelait anciennement de l'orgueil. Mais pas au sens de se penser au-dessus de ces affaires-là, mais dans le sens de penser que l'intelligence égoïque de l'individu a plus de valeur que. On donne une valeur à notre expérience, mais sur ces plans-là, l'expérience est valable tant qu'il y a de l'évolutionnaire. Si les lois de la vie, si la personne, au niveau de son expérience sert plus à rien. Mais ça va tout le temps s'ajuster pour que l'ego soit dans l'illusion qu'il a le contrôle. Mais même si c'est dans l'illusion comme d'une perte de contrôle contrôlé, là, ou comment je pourrais dire ça, comme un dérapage contrôlé, mais il reste que ça va tout le temps vouloir amener l'ego à ses limites. Ça va tout le temps le confronter à des situations qu'il y a de la difficulté à intégrer. Ça va tout le temps le rendre à la limite de l'insupportable. Puis, mais là, ça dépend tout le temps, c'est du cas par cas, ça dépend du contexte. Mais l'idée qu'un ego humain puisse à ce niveau-là marchander, faire des menaces à l'esprit en disant, ben là, si ma vie va pas mieux, je vais me suicider. À mes yeux, le phénomène qui va faire que peut-être l'événementiel va s'alléger un peu, je ne le vois pas comme le résultat d'une sorte de commerce comme ça. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un petit peu d'astral pareil. Parce que l'affaire Mais de en même commercer temps, avec l'homme nouveau l'invisible. n'est pas censé dicter à l'esprit les lois de la vie qui intègrent la dimension pratique. Ben oui, mais c'est, je veux dire, l'homme nouveau, s'y intégrer les lois de la vie, il va être en accord avec l'esprit. Donc, autrement dit, il va accepter les événements oppositionnels. Non, il va être créatif avec. Mais Dans pour le être sens que. créatif avec, il faut qu'il monte en vibration, puis souvent la montée en vibration vient que la colère. Fait qu'à ce moment-là, la rébellion qui peut être en lien face à des événements oppositionnels peut servir à changer son taux vibratoire. Ben oui, il faut être en rébellion justement avec par rapport à l'événementiel. Mais là, si on se met à. T'sais, si on se met, ben c'est pas une rébellion, ça dépend de quoi on parle. L'homme nouveau, c'est comme autre chose, là, complètement. T'sais, je veux dire, il va pas psychologiser autant que ça, là. Probablement, ça va aller de soi. Tandis que là, s'il faut à tout prix générer une colère, t'sais, je veux dire, c'est parce que là, c'est transitif, là. Mais pour générer après une volonté, puis bon, c'est correct aussi. Mais c'est parce que l'ego, il va tout le temps vouloir être très confortable, puis ça va contre les lois évolutionnaires, ça. Fait que c'est normal que l'événementiel vienne c'est comme si on recevait des coups de bâton dans les reins pour bouger. Sinon, il y en a avec qui j'ai jasé souvent, puis je disais, si demain matin tu tombais millionnaire, puis tout allait bien, est-ce que ça t'intéressera encore la conscience puis l'évolution? Puis il me répondait pas, tu sais, quelqu'un d'honnête va répondre non, je penserai pas à ça, je m'en foutrais. Il reste que c'est ça, là. Si on veut qu'au niveau expérimental, puis au niveau de l'évolutionnaire, qu'il y ait une évolution, puis qu'on enregistre de l'expérimental qui va servir, il faut que ça aille mal des fois. Il faut qu'il y en ait de la souffrance, sinon il n'y aura pas de conscience. Ça, sur Terre, c'est comme des lois de. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire les oppositions servent, sauf que moi, je me questionne par rapport à la question des ajusteurs de pensée ou l'esprit, si on peut dire, là, ou le double, là, à savoir, est-ce que quelque part, il y a des esprits, comme le parlait Bernard de Montréal, qui sont moins évolués que d'autres, qui pourraient créer des oppositions trop grandes par rapport à la capacité de contenance de l'ego. Ben oui, mais c'est pas parce qu'ils sont nécessairement moins évolués que d'autres, parce qu'il y en a que leur programmation, c'est d'être contextuelle. Leur expérience fait partie d'un contexte qui va servir à l'évolution des autres. Mais là, à ce moment-là, on amène ça sur un terrain collectif, parce que moi, je voulais plutôt rester sur le plan individuel. Ben oui, mais comment tu veux. Si la personne, sa programmation, c'est de faire partie d'un contexte qui va servir à faire évoluer les autres, ça veut dire que quelque part. Ça fait partie de sa programmation. Je veux dire, ça va toucher l'individu, c'est individuel aussi. La madame que son fils il se suicide, par exemple, tout ça, il va se suicider pareil. Je veux dire, la famille qui perd un proche, puis ça n'empêchera pas cet individu-là de mourir pareil. Lui, en tant qu'individu, il ne le sait pas, mais ça faisait partie de sa programmation. Mais finalement, c'est les d'autres qui vont évoluer à travers ça, possiblement. Fait que, tu Mais sais, qu'on le veuille ou pas, l'individu, il est dans un contexte, puis le contexte, il est lié à d'autres programmations, il est lié à d'autres incarnations autour de lui, entre autres. Il y en a un que je me souviens, il avait 8 ans, puis il menaçait ses parents qu'il allait se pendre à la balançoire dans la cour. Finalement, c'est quand il était dans la vingtaine, ils l'ont retrouvé pendu dans le garage. Puis il avait étudié tout ça, puis il savait comment se pendre, puis c'était comme une obsession. Puis je veux dire, il l'avait fait pour, je veux pas donner de trucs là, mais il l'avait fait pour que ça soit pas souffrant, puis s'endormir tranquillement, tu sais, que ça soit pas. Puis ça, je m'en souviens parce que c'est mon père qui l'a décroché. Mais cet expérimental-là qu'il a vécu, c'était pas pour l'évolution, son évolution à lui. Ceux qui ont évolué à travers ça, c'est ses parents, son entourage. Il a fallu que sa mère est alcoolique, puis son père, c'était quelqu'un d'un petit peu qui manquait peut-être un petit peu de. En tout cas, il y avait des lacunes. Puis suite à cet événement-là, ses parents sont restés, eux. Aujourd'hui, ils ont peut-être dans proche 80, là. Mais c'est clair que c'est des gens au niveau de l'âme qui sont bien plus évolués que quand ils ont eu leur enfant. Il y a des choses qu'ils comprennent mieux. Mais il reste que lui, c'est lui qui l'a subi pareil. Mais il reste que s'il a subi toute cette programmation-là, puis tout, on peut se dire, ouais, mais à quoi ça sert? Puis dans le fond, c'est du cas par cas, puis ça dépend toujours. Ça dépend toujours du contexte, ça dépend toujours de la programmation de la personne. Mais possiblement qu'avant de s'incarner, la personne, elle accepte, mais c'est un niveau prépersonnel qui n'est pas encore un ego incarné. Une fois que tu le vis en tant qu'ego incarné, c'est sûr, c'est pas le fun. Bien, justement, je voulais t'amener sur ce terrain-là. C'est-à-dire que avant que l'ego s'incarne dans la matière et qu'il vive une vie d'humain sur Terre, est-ce que l'ego pourrait en venir à accepter déjà au préalable de connaître une vie où la personne va finir qu'elle va se suicider? Non, non, l'affaire, c'est parce que c'est trop flou là, avant l'incarnation, dans le sens pas un ego tout à fait, là, si on peut dire c'est une âme. Donc, à ce niveau-là, comment veux-tu que la personne ait un processus psychologique de choix? Mais C'est complètement différent une fois incarné, une programmation à vivre. je vais essayer de clarifier avec toi parce Tu sais, que on égoïse l'âme. Pas, dans le fond, c'est juste en dehors de la matière, là, c'est pas pareil, là. Mais tu sais, le monde, ils veulent des réponses sur des choses qu'au fond, c'est pour le vécu. Je veux dire, ça a été fait pour le vécu. Ce qui se passe avant, puis tout, c'est pas pareil. On essaye de voir ça de notre point de vue. Non, je comprends qu'on peut essayer de voir ça de notre point de vue subjectif, à savoir, tu sais, quelqu'un peut réfléchir puis dire, bon, la personne se projette en disant, ben, avant d'être sur Terre, est-ce que j'aurais pu choisir la vie que je connais? Ou quand on regarde une situation de guerre, puis la personne meurt dans un combat, est-ce qu'elle l'a choisi avant de naître? Ou, tu sais, des situations atroces, là, de pauvreté, d'esclavage? C'est pas parce que l'âme va jusqu'à un certain point avoir un contrat de programmation avant l'incarnation que c'est un choix au sens où un ego incarné l'entend. Parce que même le libre arbitre pour un ego incarné, d'une certaine façon, c'est une illusion. D'ailleurs, le libre arbitre, c'est l'ultime illusion qui fait que les gens, ils vont vivre leur programmation malgré eux. Parce qu'ils sont dans l'illusion du libre arbitre. S'ils se rendaient compte que c'est une illusion, ils vivraient pas ça. Ben, Mais c'est quoi qui vivrait à la place? ben là, ils seraient créatifs. Je veux dire, au lieu d'engendrer de l'expérience ou de l'expérimental, puis d'engendrer du contextuel qui est lié à la programmation collective, ça serait complètement différent, là. Mais là, pour ça prend des chocs épouvantables. Puis là, ça veut dire que la personne a brisé la programmation. Mais ça, c'est des phénomènes assez. Ça arrive, peut-être plus qu'on le pense même. Mais ça arrive. Mais là, quand on brise une programmation, on a une autre programmation qui embarque. Mais c'est le C'est paradoxe, comme si. c'est là que je voulais t'en venir, c'est-à-dire que si quelqu'un brise une programmation astrale qui la lie à une vie planétaire, c'est parce que quelque part, elle subit une programmation qui vient de l'esprit qui va l'amener à être créative. Ouais, mais c'est comme si c'était des jeux de structure. Puis on dirait même des fois il y a des accidents, mais c'est juste parce que tu vas avoir une structure qui englobe une autre. Donc si cette petite structure-là pète, il y en a un autre. Mais il va tout le temps en avoir un autre. Tant que tu es Mais incarné attends dans une la minute, il faut matière. faire attention. C'est-à-dire que si le corps physique pète parce que la personne est à bout puis elle se suicide, ben elle est plus là sur Terre, là. Ben non, mais là, elle est allée au bout de sa programmation. Elle l'a pas cassée, elle l'a pas brisée. Elle a pas altéré sa programmation. Elle l'a accompli. Yeah, Oui. là, l'autre, il est sur la croix, il est en train de crever. Puis, tout est accompli. Mais je l'entendais plus dans le sens, je vais clarifier mon propos en donnant un peu plus de détails, dans le sens que si la personne, avant de s'incarner, est prévue qu'elle vive jusqu'à 85 ans, puis la personne, durant sa vie, elle se fait astraliser par une entité alors qu'elle est dans l'adolescence, dans la vingtaine, puis elle se met à prendre de la drogue, puis elle se suicide, est-ce qu'à ce moment-là, sous l'influence astrale, la programmation de base de l'esprit qui l'amènerait à vivre à 85 ans est La court-circuitée? programmation de base, c'est celle qui fait qu'elle se suicide. La base, ça va tout être l'astral. Là, c'est pour ça que je te dis, quand tu réussis à casser des programmations comme ça, là, les autres embarquent, puis là, l'esprit embarque. Va voir ça à l'envers. À mes yeux, la personne que, dans sa vie, elle tombe dans la drogue, puis il y a plein de problèmes, puis elle se suicide ou... Elle fait des choses atroces, puis elle se fait tuer ou je ne sais pas quoi. À mes yeux, c'est celle-là, la programmation de base. C'est celle-là qui était prévue à la base. La personne, justement, est restée avec un ego programmé de base. C'est quand il arrive des événements qui font que là, il y a de la programmation qui est cassée, la personne intègre de l'expérimental, d'une fois, puis là, il y a une conscience qui se développe. Ça, c'est quand que la programmation de base, elle se fait casser. Là, l'esprit embarque. OK, donc Mais les autour. programmations de Oui. base, là, c'est toutes les programmations, justement, de cet ordre-là. Je parle de la programmation de base, justement, ça va être tout ce que nous autres, on considère comme des problèmes. C'est ça la base de l'expérimental sur Terre. Pourquoi les bouddhistes, à un moment donné, ils ont dit, ah ben... La vie, c'est de la souffrance. Puis là, ils sont partis avec ça comme c'était une grande révélation. Ben là, ça l'est la programmation de base planétaire, animalienne, mécanique. OK, Mais donc là, tu sais, c'est autrement parce dit, qu'il y a d'autres c'est. choses, puis il y a Ouais. d'autres choses. OK. Si je te comprends bien, je prenais le sujet à l'envers, dans le sens la programmation de base, c'est la souffrance de la vie, comme disent les bouddhistes ou certains gens dans le domaine de la conscience supramentale, que la vie, c'est de la merde. C'est ça. Puis là, après ça, la personne, dans le fond, a vu un état de crise. Par exemple, le jeune qui est début vingtaine prend de la drogue, il se sent perdu, il est en rébellion. Dans certains cas, la personne, face à une détresse psychologique importante, elle va se suicider. Il y en a d'autres, elle va vivre une communication intérieure, elle va monter en colère mentale, puis elle va monter en puissance pour dire ça va faire la drogue, puis il faut changer de cercle d'amis qui m'entraîne là-dedans, puis elle va se reconstruire. Mais pour que la personne ait le déclic qui l'amène à se reconstruire, autrement dit, il faut qu'elle intègre ou elle accepte l'esprit. Pas nécessairement. OK? Dans le sens que même ces contextes-là, les lois qu'il y a derrière ces concepts-là vont exercer leur loi, même si tu ne le conceptualises pas. Pas besoin nécessairement de. C'est arrivé qu'il y en a qui ont eu des tours de force comme ça, ou même des fois, ça a quasiment l'air accidentel. Genre, il y a une gang de jeunes, ils font les fous en auto, puis là, ils se tuent tous, puis il y en a juste un qui survit. Puis là, lui, tout d'un coup, il se rend compte, là. Là, lui, il va intégrer, puis il va aller il va intégrer, puis il va avoir plus de conscience que ceux qui sont morts. Mais c'est, je veux dire, c'est là qu'il y a, il y en a des fois qui survivent, puis ils auraient dû mourir. Le seul fait de s'en rendre compte, mais c'est tout le temps par des chocs. C'est lié à la sensibilité, c'est lié à un paquet de facteurs. Il y a de la mécanique aussi, quasiment fortuite, on dirait, des fois. Mais ça fait partie de ces lois-là aussi. Mais là, j'ai un peu oublié ta question, mais il reste que c'est des lois assez. Je veux dire, on regarde ça de notre point de vue humain, mais il reste que si c'est enregistré de l'expérience au cours des âges, puis qu'il y a des âmes de plus en plus sensibles qui viennent au monde, les jeunes d'aujourd'hui, c'est sûr qu'ils souffrent plus que les jeunes il y a 70 ans. Puis ça suit les mêmes lois. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus conscients, mais ça veut dire qu'ils ont plus de potentiel. Mais ça va être plus rare, par contre. C'est comme un entonnoir. Ben, Donc. dans le sens, ça me fait quasiment penser à l'énoncé que plus la personne a de potentiel, puis à grand potentiel, grande responsabilité, là, dans le sens, plus tu as de potentiel, plus que tu peux avoir à mettre de l'ordre ou être confronté à des oppositions. Ben, en tout cas, plus qu'on approche des états, une époque par exemple où la souffrance contextuelle est grande, plus qu'il y a un tri qui se fait. Puis c'est très, très violent. Et les époques terribles qui engendrent ce qu'on a appelé dans le passé les grandes âmes. Tu sais, je veux dire, même quand c'est de l'illusion totale, Mère Teresa est quoi sans la misère de Calcutta? Ben oui, Elle a ça lui fait donne quoi de sa une vie, elle, là? identité. C'est ça qui lui donnait une grande identité spirituelle puis une Ben reconnaissance oui. internationale. Ben, tu sais, fait que dans le fond, il y a un jeu comme ça, dans le sens que, sans s'en rendre compte, on reste manipulé, mais on va tout le temps. Mais tu sais, je veux dire, c'est parce que l'âme n'est pas capable d'évoluer par elle-même. C'est quasiment, il faut qu'elle soit forcée. C'est encore plus vrai pour un ego, un psychologique incarné. Il ne va jamais vouloir aller vers l'intégration vers une conscience intégrale. Il peut pas, parce qu'il n'est pas programmé pour une volonté dans ce sens-là. Il est programmé pour le désir. C'est pour ça, encore une affaire que les bouddhistes ont sorti, c'est le désir, c'est de la souffrance. Puis là, encore une fois, partir avec ça comme c'est une grande révélation, tandis que c'est des choses très, très simples puis banales. C'est très, très banal quand on le regarde comme il faut, il n'y a rien là, là. Ouais, C'est ben. pas des révélations à tout casser. À notre époque, on ne serait pas supposé regarder ça puis dire oh, c'est la vérité, puis partir en peur avec ça. Mais il y en a qui ont intégré ça dans un premier temps sur le plan psychologique, dans le sens que le désir continuel amène une forme d'insatiabilité, donc de frustration, de souffrance. C'est comme le désir sexuel poussé continuellement. Ben, la personne convoite des gens, puis là, elle va sur Internet, puis. Elle voit plein de monde, Ben puis. c'est là qu'il faut faire le discernement entre le besoin et puis le désir, c'est pas pareil. Parce que la frustration est censée venir d'un besoin qui n'est pas comblé. Quand que c'est de la frustration engendrée par un désir qui n'est pas assouvi, c'est pas pareil, là. On est dans de l'animalité. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit on est encore des animaux, là. T'sais, c'est ça les forces animaliennes un peu. T'sais, je veux dire, le désir, ça vient de l'immaturité de l'être humain quelque part, tandis que le besoin, ça vient de la nécessité factuelle. Puis on n'a pas le discernement d'en faire la différence, donc ça engendre encore plus de souffrance psychologiquement. C'est comme quelqu'un qui fait 300 000 par année. Puis tout d'un coup, il perd sa job, puis il se ramasse qu'il fait rien que 15 000 par année. Puis là, il souffre de tout ça psychologiquement, puis il pleure, puis il saoule, puis dans le fond, c'est parce qu'on ne se rend pas compte, là. Il n'y a rien là. Mais c'est tout psychologique. C'est pas réel. Il y a du monde qui sont heureux avec bien moins que ça. C'est sûr, ben, il n'y a rien là. Faut le contextualiser aussi. T'sais, si la personne est habituée à un train de vie, c'est un deuil majeur que la personne peut vivre. Si elle avait une grande maison, elle perd sa maison, elle fait faillite. Ben oui, mais justement, ça vient de l'expérimental, ça vient du contexte. Je veux dire, ça vient de, tu dis, la personne s'est habituée. Donc, elle dort. Elle s'est endormie dans le confort. Ça endort le confort. Tandis que les épreuves, ça réveille ça. Puis l'être humain, ben, il est inconfortable. Quand il se réveille, il n'aime pas ça. C'est Donc, comme un autrement petit dit, enfant que tu veux qui se lève tôt le matin, puis, oh, puis il chiale, puis il n'est pas content. Il est trop de bonheur. Il voudrait dormir encore, c'est comme un grand OK. ado. Il veut pas se lever. Il chiale. Ah, oh, je veux dormir. Puis... L'être humain est comme ça. Il est réellement comme ça. Il fait pas la part entre le côté qui est réellement humain, qui est réel, puis le côté qui est planétaire, animal. Parce que il y a du monde, ils ont des épreuves que, dans le fond, c'est au niveau de leur psychologie qu'ils vont souffrir, mais c'est juste de la construction psychologique. C'est pour ça que c'est psychologiquement qu'ils souffrent. Mais là, c'est pas comme une maladie physique ou mais il y en a que leur femme veut les laisser puis suicide. Il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a de quoi ça fonctionne pas, dans le sens, ça, c'est de l'inconscience. Quelqu'un qui perd sa job à 300 000 piastres par année, puis il veut mourir, ça, c'est de l'inconscience aussi. C'est tout le temps de l'inconscience. Il s'est habitué, il s'est endormi. Il prend son confort pour acquis. Là, il arrive des événements, il dit, bon, là, lève-toi, il faut que tu te lèves, là, c'est l'heure d'aller à l'école. Non, je suis malade de brosse, je veux rester couché. Non, mais je comprends le principe que l'être humain, il faut qu'il prenne rien pour acquis, puis tant qu'il se définit par l'attachement à la forme ou l'attachement des biens de son monde, ben il peut être piégé par ça. Ben oui, ça fait du monde extrêmement attaché à la terre, extrêmement. C'est là où il y a du monde qui ont, ils veulent la vie éternelle, mais ce qu'ils veulent éterniser, c'est pas leur moi réel, c'est leur ego. Si l'ego devient éternel, à un moment donné, l'évolution, elle va plafonner. Puis ça fait des êtres je veux dire, ça fait des êtres dangereux. Autrement dit, ça amènerait une forme de stagnation évolutive. Ben oui, ça ferait des carrément. Imagine un être désincarné qui a immortalisé son ego comme il est. Puis qu'il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de changement. Il a immortalisé ce qui. Du moins, je suis bien de même, puis je reste de même, puis il est immortalisé de même, puis il conserve ces formes-là une fois désincarné. Ça fait ce qu'on pourrait appeler des démons. Dans le sens que. Tu sais, il y a quelque chose qui va contre les lois de l'intelligence. Il y a quelque chose là-dedans qui va contre les lois de la vie. Mais l'être humain, il n'est pas pour les lois de la vie parce que c'est inconfortable. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, possiblement que ce qui fait qu'une chenille va sortir du papillon, qui va sortir de sa chrysalide, c'est un profond inconfort parce qu'elle est rendue à un stade où elle n'est plus capable de rester dedans, il faut qu'elle sorte. Parce que ça, on peut voir ça comme de la souffrance. C'est peut-être extrêmement déplaisant comme un bébé qui vient au monde. Mais psychologiquement, on voudrait se rebeller contre ça. Puis là, on dit, là, on est en colère contre toute. Mais un autre aspect de l'instruction supramentale, c'est que les plans cherchent à amener l'homme à vivre la colère mentale. Oui. Moi, à mon avis, est quelque part, un peu comme à un moment donné Bernard de Montréal disait, il dit, l'esprit, c'est un peu comme un gars qui fait une jambette pour que la personne s'enfarge pour l'amener à se réveiller ou à monter en puissance. Si l'être humain y avait ce qu'il veut, il serait mort. Ça revient à la mort. Si ça va tout le temps comme tu veux, puis tout est parfait tout le temps, puis tout, tu vas être dans une stase sans t'en rendre compte, c'est comme tu t'endors. Puis c'est ça, la mort. Oui, je comprends que ça amène une forme de stagnation énergétique et plus d'évolution comme ça. Puis l'ego a tendance à la fixité parce que il veut vivre dans son petit confort puis son petit train-train quotidien. Sauf que le point, c'est qu'à quelque part, si l'esprit cherche un peu comme picosser l'ours avec un bâton ou à provoquer l'ego pour qu'il sorte de ses gonds puis qu'il monte en colère mentale, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'à un moment donné, l'esprit peut, un petit peu comme quelqu'un qui étire l'élastique, trop étirer, puis l'élastique pète, puis la personne sombre dans la folie ou elle se suicide. Ouais, mais là, à ce moment-là, c'était sa programmation, tout pareil. Parce Mais. que si on considère que tout est programmation. Oui, mais justement, c'est parce que moi, je veux voir avec toi si on peut en venir à un point d'amener à contester les programmateurs ou les êtres qui tirent les ficelles dans l'invisible, dont le plan éthérique, par rapport à tous les cas de suicide. C'est parce que le problème, c'est que l'âme, c'est passif, l'ego, c'est réactif. Fait que peu importe ce que tu fais, tu vas être en train d'accomplir de la programmation. Tout est programme. Donc, nous autres, on va être dans l'illusion psychologique qu'on fait des choix, on va être dans l'illusion psychologique que. Mais dans le fond, ça revient tout le temps. Dans le fond, on se fait mener par le bout du nez d'une façon totale et parfaite. Tout le temps. Je veux dire, on est tout le temps manipulé Ben, par ces concepts-là, puis là, on je veux dit, ah, dire, l'esprit. parfait, rien qu'on en regarde le taux de suicide qui est quand même élevé dans les pays occidentaux. Ensuite, les problèmes de pollution, les problèmes de. En tout cas, tu sais comme moi, là, tous les problèmes qu'on a sur la Terre avec la Ben oui, corruption c'est en la preuve politique. qu'on est complètement manipulé d'une façon parfaite. Pas parfaite dans le sens que c'est correct ou que c'est de notre point de vue ou que c'est bien. Parfait dans le sens que c'est tellement parfait qu'on n'est pas capable de faire autrement. Dans le sens que c'est tellement parfait que même avec toute la bonne volonté du monde, ça va aller mal pareil. Les lois de la vie vont pas changer. Je veux dire, la base, là, les lois du mouvement, les lois de la mise en mouvement, ces choses-là, ça ne changera pas parce qu'on a de la bonne volonté. Au contraire, plus que tu as de la bonne volonté, plus tu vas souffrir. Parce que plus tu vas avoir de la bonne volonté, plus tu vas te rendre compte que l'événementiel, il s'en fout, là. C'est pas ça les lois de l'événementiel. Ça devient quasiment de la pensée magique. On voudrait que tout aille bien. On voudrait que ça soit la paix dans le monde. Ben oui, mais Chris, l'intelligence, elle veut pas ça. Parce que sinon, on va rester la même bébite. On va rester tout le temps la même créature. Tandis que faut que ça soit en mouvement, puis que ça. Tu sais, je veux dire. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que l'intelligence qui mène tout n'est pas humaine. C'est inhumain. Ben, Mais ça, on le c'est voit de notre avec point de vue. les camps de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale, ensuite tout l'esclavage qui a eu cours au sud des États-Unis, ensuite les génocides, les massacres en Afrique, le Rwanda. On pourrait en passer la nuit à en nommer là, des Ben oui, événements. mais si tu demandes à un rabbin, là, tout ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, qui fait que le peuple juif il a souffert, puis tout, est-ce que c'était la volonté d'Hachem? Il va dire oui. Dans le fond, ça va être avec d'autres formes, mais ils comprennent la même affaire que ce que je dis là. Dans le sens, ça n'avait pas le choix de passer par là. C'est ça qui a fait. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui a fait collectivement ce que c'est devenu, leurs affaires. Puis, ils pourront pas aller contre ça, contre cette idée-là, parce qu'ils le savent. C'est-à-dire, la planète, ici, c'est bien de valeur, mais c'est une sorte de. Ben, c'est un laboratoire expérimental, comme diraient certains, là. Ouais, mais c'est aussi une sorte de place où on a entreposé des faiseurs de troubles. C'est pour les circonscrire. C'est pas pour rien qu'il y a une quarantaine, là. Aussi, si on peut dire. C'est comme j'avais montré à un moment donné une image dans un montage que c'était comme une planète prison. C'est un petit peu ça, là. Pourquoi est-ce que dans la plupart des spiritualités, à un moment donné, si on remonte dans le passé, là, il y a une faute primordiale, qu'elle soit celle des dieux ou de l'humain, là. Dans le sens que. Pourquoi on dit que l'être humain il est fait de terre puis d'air? Parce que ça, c'est la base, comme le côté biologique, puis après, le vital dedans. Là. À un moment donné, il y a tout à quelqu'un qui souffle sur un petit bonhomme anglaise pour qu'il s'anime. Mais il y a autre chose aussi, dans le sens qu'à un moment donné, ben, pour aller que ça descende encore plus dans la matière, puis que ça devienne encore plus dense, là, il y a des histoires d'êtres qui ont volé le feu pour animer les petits bonhommes. Mais il reste que c'est toutes les mêmes lois, c'est toutes les mêmes affaires, ça revient tout à ça. Tu sais, il y a des histoires comme Pandore qui ouvre la boîte puis qui libère la malle. Dans le fond, c'est la création du monde terrestre comme on le connaît. Sais, je veux dire. C'est parce qu'on regarde tout ça d'un point de vue humain, puis après, en tant qu'individu qui est dans la zone expérimentale, puis qui souffre, on trouve que ça n'a pas de bon sens, on trouve que ça n'a pas d'allure, puis on trouve ça épouvantable, puis c'est grâce à ça qu'il y a de la conscience qui se manifeste. Moi, je trouverais ça inquiétant, moi, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est les gens qui sont endormis dans une forme de mysticisme ou de spiritualité, puis qui disent. Ah ben, tout est parfait, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Là, ça, c'est du monde statique, là. Ils sont morts. Mais en même C'est temps, comme comme un. tu le disais tantôt, tout est parfait dans le sens que tous ces événements-là choquent, amènent les gens à évoluer. Fait que dans un sens, c'est parfait que ça arrive parce que les sort d'une stagnation. Fait que là, ça rejoint le même point de vue. Non. Ben, c'est Parce que ça, je c'est veux parfait au amener la sens de nuance. perfectionner. Oh! Là, c'est. Ben oui, c'est parfait au sens, ça va tout le temps perfectionner. Tandis que c'est parfait, genre, il faut que ça reste de même, puis ça bouge plus, Ok, puis oui, dans le sens d'une forme ça, de c'est pas pareil. stagnation qui légitime. Mais ce qui se passe. Ben, au con, pas une stagnation. Ça, c'est quelqu'un qui serait bien spirituel, va dire, ah, ben, tout est parfait, puis c'est correct de même. Moi, ce que je te dis, c'est parfait au sens de perfectionner tout le temps. Dans le sens que on vit de la merde. Parce qu'on apprend à gérer. La marde, je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. Ben, si on le peut, parce qu'il y en a qui vont se suicider parce qu'ils sont pas capables de la gérer, comme je disais tantôt. Oui. Mais là, ça va servir pareil. Fait que ça fait partie d'un perfectionnement pareil. Mais en même Dans temps, le quand sens. je regarde les choses avec mon intelligence, c'est mais pas un fardeau plus grand que la capacité de la personne de le contenir parce que tu vas la perdre. Oui, mais il y en a que c'est ça de la programmation. Mais je trouve ça difficile à accepter. C'est pour ça que je t'en parle. C'est un sujet délicat. Puis il y a sans doute des gens qui nous écoutent qui se sont déjà Pas posé à des questions en lien. l'accepter. Moi, je l'accepte pas, mais je le combats pas non plus. Non, Je non, mais je parle comprends au qu'on n'a pas à collectif. l'accepter sur le plan moral, mais de l'autre côté, le combattre, puis la personne, elle se fâche intérieurement, puis elle engueule son double, que ça n'a pas de bon sens, telle chose. Ouais, surtout au niveau de l'individu. Mais ils vont, s'il y a vraiment un contact là, avec le double, il va tout le temps. T'sais, moi-même, des fois, ça peut me dire des. Ça est arrivé que ça me dise des affaires qui m'ont mis dans la marde. Puis pas à peu près. Puis je dis, c'est quoi le problème? Pourquoi? C'est quoi le problème de m'avoir donné des fausses informations qui m'ont causé des problèmes? Puis ça va me répondre, ben oui, mais c'est parce qu'il faut pas que tu crois. Fait qu'on me dit des affaires qui n'ont pas d'allure. Fait que c'est toi qui te mets dans la marde. Oui, parce que tu te laisses manipuler par l'esprit, C'est ça. mais en même temps, si tu en viens à contester l'esprit parce que tu as été désinformé par lui, à quelque part, ça t'amène dans la colère mentale, puis une forme de mise en puissance. Ouais, mais il reste que, tu sais, on va trouver que ça y aurait peut-être possibilité de faire mieux, mais dans le fond, c'est pas nous autres les architectes là, de ça, là, de ces lois-là, de ces affaires-là. Mais en même temps, l'homme nouveau qui va vivre la souveraineté association, c'est un travail que j'avais travaillé auquel j'ai fait des entrevues avec Marc Lassalle dans le passé, puis ça, on avait déjà abordé ce sujet-là, parce que lui, il avait pris ça au niveau politique, la souveraineté association par rapport au Québec, il l'a transcrit au niveau occulte dans le rapport humain par rapport à son double. Donc, si l'être humain, psychiquement, est souverain, c'est-à-dire qu'il se donne l'autorité d'évaluer par rapport tout par lui-même au lieu de subir la dictée des plans, puis il collabore avec eux dans une forme d'association psychique parce qu'il horizontalise le rapport avec les plans, bien, à ce moment-là, l'être humain nouveau, comme il a déjà été annoncé, c'est lui qui va dicter les lois de la vie. Fait que il devient quelque part l'architecte, un co-créateur avec les plans. À mes yeux, ça fait partie de la mise en expérience. Si on se met à penser ça, c'est parce que c'est des illusions qui risquent de nous amener peut-être dans le mur, puis peut-être que c'est ça le but. C'est pour ça, moi, j'ai aucune confiance. Ah, mais je te dis pas de Vraiment, là. croire que ce que je dis, là, c'est juste Non, non, je parle pas aucune confiance en toi, puis Marc. Je parle, j'ai aucune confiance en tout ce qui vient d'eux autres. Je parle l'intelligence en dehors des égos incarnés. J'ai zéro confiance. Parce que je le sais que ça va tout. Le but, c'est d'engendrer de l'expérimental planétaire tout le temps. Puis que on va nous faire miroiter la fin de ça. Puis la possibilité, justement, d'outrepasser ça pour continuer à générer ça. On nous fait. Dans le fond, là, c'est un petit peu comme. Regarde, là, ça fait combien de temps qu'il y a des prophètes qui arrivent qui disent, là, on est à la veille, là, d'arriver à une nouvelle phase, là, puis ça va être là, un nouvel âge d'or, puis on va avoir 1000 ans de. de paix. C'est bien de valeur, là, mais regarde juste certains. Regarde juste les nazis qui étaient persuadés d'avoir des contacts occultes, puis d'avoir pactisé avec des forces, puis qu'ils étaient protégés. Puis le but de ces forces-là, c'était-tu qu'ils soient protégés, puis de collaborer avec eux autres? Non, c'était de les envoyer dans le mur, puis de générer de la guerre, puis de la souffrance expérimentale. Alors, regarde les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui pensaient que leur empereur, myope comme une taupe, qui avait de la misère à se mettre un pied un avant de l'autre, c'était un être supérieur qui descendait de la déesse du soleil, puis que le peuple japonais était une entité supérieure et qu'il ne pouvait pas perdre la guerre. C'est sûr que c'est tout le temps de la marde. C'est ça, ils l'ont perdu pareil, puis ils se sont fait manipuler, là, les gens, dans leur naïveté collective. Mais le point que je veux faire avec toi ici, Dans ça. c'est que on pourrait être endormi par rapport à un mensonge supramental, une espèce de beau discours, qu'à un moment donné, on va devenir des co-créateurs avec l'esprit, puis ils vont être souveraineté, association Et psychique. voilà. Il y a des forces qui cherchent à récupérer ce qu'on a appelé le supramental pour en faire de la spiritualité, puis continuer à générer de l'expérimental. Mais le point, même si on s'élève en conscience, qu'on monte en colère vibratoire, qu'on vit des mises en puissance, c'est qu'on s'en sort jamais de la Ben, c'est pas ça le programmation. but. Ben, on peut pas. Ben, il y en a qui parlent Dans de le sortir sens. de la matrice planétaire pour aller sur le plan éthérique, puis d'être libre de la roue de la réincarnation pour. En tout cas, il y a Puis plusieurs façons de. il y aura plus. Ça irait contre les forces évolutionnaires planétaires. Si, admettons là, que ton cycle évolutif de vie à toi, il est fini, tu vas pas revenir ici, là, tu vas. Dans le sens que Mais la justement, planète est-ce que ici, l'individu... elle sert à de la souffrance. C'est à ça qu'elle sert. Le contexte dans lequel on vit, il sert à ça. La planète sur laquelle on vit, elle sert à ça. Je veux dire, c'est se faire illusionner de penser que peut-être qu'on va avoir le retrouver, recouvrer le paradis perdu, puis aboutir à un nouvel âge d'or. Je dis pas que c'est pas ça qui va arriver, mais moi, personnellement, j'ai pas d'espoir. Pas tu sais, je peux pas. J'ai l'impression de me faire manipuler tout de suite. Non, non, Je je peux pas comprends. Faut pas croire être naïf puis acheter des beaux discours là, par rapport à l'avenir qu'on va connaître un 1 000 ans de paix, là, comme tu disais tantôt, puis sombrer dans une forme d'adhésion à De des toute nouveaux. façon, d'être là, on n'aurait pas le choix de dire qu'encore, c'est pas juste. De 26 000 ans de marbre pour 1 000 ans de paix. C'est pas beaucoup. Ben non, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme si, c'est comme échanger une pièce pour un 10 cents, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, qu'on le veuille ou pas, au niveau planétaire, puis ça, c'est à mes yeux, c'est mon opinion subjective, si on peut dire. Ici, la planète, elle sert à souffrir. Elle sert à créer de l'expérimental parce qu'elle sert à créer de la conscience. Moi, je mettrais comme nuance ici que la souffrance, c'est un moyen pour évoluer, mais l'objectif des manipulations, c'est l'évolution. L'évolution, c'est tout le temps souffrant. Oui, mais moi, la façon, puis on pourra discuter là-dessus, là, c'est sûr, c'est que moi, je ne vois pas l'esprit comme un tortionnaire ou un être sadique qui Bon, cherche c'est pas le vraiment à cas faire non plus. souffrir. Ben non, c'est pas le cas non plus. Non, je sais, mais c'est parce que, comme j'avais déjà dit à un moment donné en discutant avec quelqu'un, c'est que le but, c'est pas la souffrance, c'est l'évolution, mais si ça doit passer par la souffrance parce que la personne est entêtée puis bornée, ben ça va passer par là, mais la finalité, c'est l'évolution. Si on pourrait évoluer en s'ajustant automatiquement puis qu'il n'y aurait pas de résistance de l'ego et des descentes d'énergie intelligente, ben on n'aurait pas besoin de souffrir. Il faut qu'il y ait de la résistance de l'ego. Tu sais, je veux dire, t'en connais-tu, toi, des êtres incarnés qui sont pas bornés, puis Bien, il y en a juste être qui sont incarné moins dans la d'autres. matière, c'est une borne. C'est Juste une être ici, limite. c'est une borne. Je Ben comprends oui, que mais c'est ça une fait limite dans partie ce de ça. sens-là, mais je veux dire, il y en a qui sont moins orgueilleux, dans le sens que quelqu'un, par exemple, qui boit de l'alcool, puis il va faire à un moment donné une cuite, et il va avoir la gueule de bois, ben, ils n'ont pas besoin d'en faire 36, puis être sur le bord de la sclérose du foie pour arrêter, là. Il y en a qui apprennent C'est plus du cas vite que par d'autres, ou cas. s'agissent un Ouais, peu plus mais vite ça que va être d'autres. d'autres choses. La personne peut avoir d'autres failles, ça je suis d'accord avec toi. Ben, il va tout avoir d'autres choses. Tu sais, c'est bien de valeur, là. Mais ben franchement, moi, je peux pas considérer que, tu sais, c'est pas une raison pour dire, ah, ben, parce que si on prend mon point de vue, quelqu'un qui prendrait mon point de vue, puis qui verrait ça comme je le vois, puis cette personne-là, psychologiquement, elle va pas bien. Puis déjà, elle est un petit peu dans le désespoir, puis tout. Si elle se met à voir le monde à travers mes yeux, elle est faite. Elle va vouloir mourir. Elle va vouloir qui elle va. Tu sais, je veux dire, la souffrance psychologique va être bien trop grande. Tu sais, c'est pour ça que il faut nuancer, parce que de la façon que je vois ça, quelqu'un qui regarderait ça à travers mes yeux, il va se dire, il n'y a rien de bon. Tu sais, pourquoi? Parce que ça devient psychologique. Moi, je ne le regarde pas à fait comme ça. C'est au point où, moi, c'est advienne que pourra, je fais mon possible, puis on verra. Mais je donne pas de valeur. Je donne pas de valeur à ma vie, je donne pas de valeur à ce que je fais. Pourtant, si quelqu'un vient menacer ma vie, je vais la défendre avec une énergie terrible, là. Ça fait pas de moi quelqu'un qui est suicidaire ou quelqu'un qui a pas d'instinct de préservation. Mais c'est pour ça qu'il y a certaines structures psychologiques qui ont cassé à un moment donné chez moi. Donc, cette vue-là, qui est dans le fond insupportable, ben, je viens à bout de la supporter, puis ça ne me dérange pas. Oui, mais c'est parce que tu as connu une modification psychique en relation avec un processus de conscientisation. Ouais, fait que ça ne me dérange plus. Puis je peux même me permettre d'envoyer chier tout l'univers, puis ça ne me dérange pas, puis j'ai pas peur qu'il y ait de retour. Ça m'inquiète pas. C'est comme, j'ai pas peur non plus. Il y a un paquet d'affaires que je m'en fous. Mais je donne pas de valeur à ça, puis je m'en fous pour vrai, là. Ça m'inquiète plus, ça, je sens plus la lourdeur de ça. Non, Ça je me comprends, tu dérange es pas. dans un état de détachement, mais en même temps, quelqu'un qui nous regarde pourrait dire, ben lui, c'est ça, il s'en fout de la famine dans le monde, il s'en fout de la guerre en Europe de l'Est, il est indifférent aux souffrances humaines. Ben oui, mais c'est à cause justement que si je me mets à. Si je me mets à regarder ça d'une façon trop empathique, si, puis avec un regard très très lucide, je vais bien trop souffrir psychologiquement. Là, je vais avoir envie de me dire qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne toujours quelque chose. Non, non, mais je comprends. C'est une forme de C'est respect comme. de ta sensibilité d'être détaché, mais en même temps, ça peut être interprété comme une forme d'indifférence. Oui. Puis c'est pas parce que je suis insensible, c'est pas parce que j'ai pas d'empathie. C'est plus à cause, pour une des raisons de gestion énergétique, d'être économique dans la façon dont je gère mon énergie psychique. C'est plus pour des raisons presque pratiques, on pourrait dire. Il y a des affaires que je vois plus par là parce que je le sais que ça nuit. Ça me sert à rien. Ça nuit à tout le monde. Je veux dire, même mon entourage souffrirait. Si je me mets à capoter pour tout ce qui se passe en ce moment, je pourrais pas aider d'autres à dire, ben là, regarde, là, ça donne rien de. On peut pas changer ça de toute façon. C'est comme la famine dans le monde, là. Quand ben même tu déchires ta chemise. Tu sais, c'est un petit peu comme. Il y a un enregistrement de Bernard, c'est le mal. C'est très, très subtil ce qu'il dit. Il explique que l'ego psychologique, il comprend pas que ça ne fonctionne. Ça fait partie des lois de la vie. On a spiritualisé des affaires que, dans le fond, c'est des processus naturels. Mais là, c'est parce qu'on subjective tout. Tu sais, c'est même le double. Des fois, je parle avec. Des fois, je le sens plus proche, d'autres fois moins. Mais je sens tout le temps de présence. Pourtant, j'y crois pas. Pourtant, c'est comme toutes les affaires, les entités systémiques. Puis je passe des fois, le soir, si je m'endors pas tout de suite, je peux avoir un dialogue intérieur pendant des heures de temps avec ces affaires-là. Pourtant, j'y crois pas. C'est comme toutes les manifestations par rapport à des désincarnés, la vie après la vie, puis tout. Il y a un paquet d'affaires là-dedans que je suis au courant de ça, puis tout. Pourtant, la vie après la mort, j'y crois pas. Je veux dire, je crois rien. À mes yeux, c'est des rapports d'énergie, puis ça se densifie en forme, puis il y a des jeux, puis. Mais je crois rien. S'il fallait que je me base sur un espoir que ça va aller mieux demain matin pour être obligé de me lever le matin, je considérais que c'est pas une gestion intelligente de mon psychique de fonctionner comme ça. J'aime autant avoir aucun espoir puis fonctionner pareil. J'aime autant, tu sais, je suis bien plus. C'est d'une certaine façon, c'est ce type d'inconfort-là est devenu bien plus confortable qu'un confort psychique, psychologique dont j'ai appris à me méfier parce que je le sais que c'est des pièges. puis que c'est lié justement à ça, ma souffrance. Fait que je me suis mis à m'attacher à des petites choses simples. Puis toutes, mais même là, je m'étais pas rendu compte que ça me rendait vulnérable. Ben justement, parlant de ton jardin qui a été détruit là, il y a quelques semaines. Donc, si tu t'attaches à un jardin, ben c'est sûr que quelqu'un peut passer à tondeuse dedans. Fait que tu sais, Ah oui, les. mais pareil, Oui. sur le coup, j'étais ben choqué. Ouais. Puis ça a pris, même pendant plusieurs semaines, j'étais pas capable d'aller voir. Puis même là, aujourd'hui, j'entretiens plus. Mais pourtant, je considère pas que l'esprit s'acharne. Je considère pas que c'est le destin qui s'acharne. Je peux pas le voir comme ça. C'est parce que dans le fond, cet événement-là, moi, la façon que je l'ai perçu, c'est comme tu peux jamais rien prendre pour acquis dans ta vie, puis tu sais, c'est comme tout ce que t'as, tu peux le perdre là. Ben, c'est comme si je l'avais déjà perdu. Dans le fond, j'ai rien. C'est dans le sens que ce que j'ai, c'est des illusions. Ben là, Ça veut il y a. pas dire de pas. Ça veut pas dire de pas prendre soin de ses affaires, puis de pas construire un patrimoine, puis de pas gérer ses affaires. Mais il reste que je sais que tout ce que j'ai, c'est des illusions. Mais là, c'est ça, la personne peut se poser la question à quoi ça sert justement de mettre de l'énergie pour développer un patrimoine, là, dans le sens de mettre de l'argent de côté ou avoir des enfants ou s'acheter une maison ou des choses comme ça, tu sais. Ça sert à perfectionner la seule chose qui est réelle en moi, qui est le petit peu de conscience que j'ai. Tout cet expérimental-là sert juste à ça. C'est juste un prétexte. Non, pas un prétexte, c'est comme une fonction. OK. Je veux dire, je me rends bien beaucoup plus compte aujourd'hui qu'il n'y a rien de solide. Que tout est mouvant, que tout est bien plus qu'avant. Ça n'empêche pas que je continue quand même à faire des projets, puis je continue à essayer de faire que ça aille bien, je continue à. Mais je le sais que il va. Je le sais que si je densifie ça dans des formes pensées, puis que ça devient bien dense dans ma psyché, là, je vais vivre de la lutte bien plus. C'est comme mon jardin. Bon, moi j'avais une entente avec la propriétaire que c'était mon jardin, puis eux autres, ils touchaient pas à ça. Ben, aujourd'hui. Puis c'est quelqu'un pour qui j'ai un certain respect. Je le sais qu'elle était sincèrement désolée. Mais il reste qu'elle a géré mal ses affaires, elle s'en calisse. Tu sais, on a un arbre électrique en arrière de la maison, tu sais, un poteau qui est après les boîtes électriques, puis qui monte le long du mur, puis qui est en train d'arracher. Ça fait plusieurs mois que je l'ai averti, puis au lieu de faire réparer ça, elle était partie en voyage à Paris. Fait que j'étais toujours bien fin avec elle, extrêmement poli, puis tout. Mais dans l'avenir. Ah, m'impressionne bien moins, là. Ben, c'est ça, là, c'est que tu vois ses priorités, puis. Je vois qu'elle n'est pas intelligente. Elle est crissement pas intelligente. Elle a aucune conscience réelle. Puis en même temps, Donc, ça pourquoi. me donne de la marge en crisse. Mais c'est ça, mais en même temps, si je me fais l'avocat du diable, pourquoi lui en vouloir? Ça fait partie de sa Sais programmation. pas. J'en veux pas non plus. Ben, en tout cas, tu Mais avais ça. l'air en colère par rapport à elle. En colère contre l'inconscience, pas contre elle. Je ne suis pas en colère contre elle psychologiquement, son ego, mais c'est parce que dans l'avenir, c'est sûr que je vais peut-être être plus vif au niveau de la réaction de justement d'ordonner. Tu sais, je vais être plus dans le côté créatif d'ordonner autour de moi. Elle, dans le fond, là, c'est plus des notions psychologiques. Qui, tu sais, ça compte bien moins, là, ça me laisse bien plus de marge. Bien plus de marge. Tu sais, je me rends bien compte, dans le fond, à quel point je la surestimais puis que j'étais subjectif. Dans le sens que c'est un petit peu comme, il y a une voisine ici, elle a un petit chien, un petit carlin. Puis le petit carlin, ils n'ont aucune autorité dessus. Elle et son mari, ils n'ont aucune autorité sur le chien. Mais surtout elle, là, le petit chien, là, c'est vraiment comme si c'était lui le maître. Elle essaye de le promener en laisse, puis c'est le chien qui la promène. Une Pourtant, inversion. j'ai remarqué, ouais, Dès que je prends la liste, le petit chien, il est tranquille, puis il fait tout ce que je veux. Sans que j'aie à le dire, là. Ben, tu as peut-être une plus J'ai grande juste à tenir la autorité, liste. une plus grande autorité vibratoire qu'elle, qui fait que le chien instinctivement le perçoit que ta vibration est plus avec une volonté puissante. Ben, j'ai constaté ça récemment. Tellement, je te le voyons. C'est drôle quand, parce qu'à un moment donné, il mordait les pieds, puis il était agressif, là, ça l'avait pas eu de soulier, il arrachait un orteil. Puis là, elle m'a comme passé à la liste, comme pour. Puis tout d'un coup, il est venu tout tranquille, puis il l'a même pas vu qu'elle m'avait donné la liste. Il est devenu bien calme, puis là, il était bien fin. Puis là, j'étais là, j'avais de la misère à comprendre le phénomène. J'ai dit, c'est pas normal, ça, là, c'est bizarre. Mais ça, c'est comme. Tu sais, c'est pareil avec n'importe quoi, là. Fait que là, comme elle fait pas réparer son affaire, elle est allée en vacances à Paris. Parfait, moi, je vais prendre ça en photo, je vais aller voir les inspecteurs de la ville, avoir des surprises, mais qu'elles reviennent. Parce que ils vont se faire les travaux, puis à ses frais. Parce que c'est la loi. Ça, c'est genre être créatif, genre j'ordonne. J'ordonne autour de moi, parce que je le vois et ça n'a pas d'allure. J'en veux pas à elle, j'en veux au fait que ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça qui me met en mouvement. C'est bien de valeur, mais il y a des affaires que. Non, un star, là, parce que c'est irresponsable. Si ça arrache ça, le feu, on va brûler. Fait qu'à un moment donné, ça va faire. Mais je sais que ça n'arrivera pas tout de suite. Je vais avoir le temps. Mais il reste, ça fait des mois. Puis elle agit en irresponsable. Dans le fond, c'est comme une enfant. C'est toutes des enfants. Plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est la planète des petits-enfants. C'est correct. Ça, peut-être que, dans le fond, ça veut dire peut-être que je vivrai pas vieux. Si je suis rendu là, à me dire, ben, c'est comme une planète de petits-enfants, peut-être que je suis dû pour. Mais ça viendra pas de mon ego qui fait un choix, genre subjectif, au niveau d'une illusion du libre arbitre, qui pense qu'il a fait le choix de suicider. Je suis pas suicidaire, je peux pas faire une affaire de même, ça va contre ce que j'ai intégré des lois de la vie avec le temps. Mais il reste que il n'y a plus rien qui m'impressionne à ce niveau-là. C'est bien plus difficile maintenant de. C'est comme dans le temps que j'étudiais les phénomènes de magnétisme par rapport au regard. J'étais allé dans un dépanneur, puis j'avais fait un test. Ça fait un bout de temps de ça, ça doit faire. Ça fait quasiment une vingtaine d'années. Puis j'avais juste fait un petit test. Puis la fille, je l'ai fucké. Puis je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Puis, mais par après, par exemple, parce qu'elle en a parlé à une autre qui travaillait avec des fois, puis Mais elle en était peux-tu très proche. expliquer aux gens à quoi consiste le test que tu as fait? Je l'ai juste regardé ici. Au niveau du troisième œil, ce que certains vont appeler là, entre les deux yeux, là, Alors, moi, ce que j'appelle la racine du nez, là, OK. parce que les notions de troisième œil, là, je les ai de travers. Non, je sais que c'est une notion spirituelle, mais le point, c'est que tu l'as regardé entre les deux Dans ce yeux, temps-là, j'étudiais la suggestion mentale. puis tu l'as fixé. Ouais, mais disons que c'était bien intense dans le sens que j'ai accumulé, si on peut dire, quelque chose, là. Faut pas le voir comme des affaires matérielles nécessairement, parce que c'est des affaires qui sont quasiment entièrement faites d'imagination. Pourtant, ça a un effet. Ben, en tout cas, bref, il y a des gens J'ai qui tout vont. garoché ça d'un coup, mais OK. mon père et tout, il faisait ça. Dans le sens qu'à un moment donné, il me l'a fait. Il y a un bar ici, pas loin, là. Il dit, t'accumules de l'énergie, là. Puis à un moment donné, tu choisis quelqu'un, là, puis pouf, tu y envoies, puis il vient comme un aimant, il n'est pas capable de s'en empêcher. Puis il l'avait fait. Il avait choisi quelqu'un. Tu sais, je parlais avec, puis les deux, ben. On a la réputation d'être un petit peu bête, fait que c'est bien rare que le monde va nous aborder, tu sais. Puis finalement, il dit, OK, choisis-en. Lui, il avait bien du fun. Il disait, mon père, il avait quelque chose un petit peu. Comment je pourrais dire ça? J'irais même jusqu'à dire un petit peu méprisant, des fois. Puis il a dit, choisis-en un de la gang de tata là-bas, là. Choisis-en un. Puis je dis, OK, lui. Il dit, OK, parfait. Puis il continue à prendre sa bière, puis tout. Puis à un moment donné, là, il dit, OK, là. Puis là, il s'en revient, puis il regarde, là. Puis après ça, il continue, puis on continue à jaser, puis tout. Puis à un moment donné, le gars, il arrive, puis il veut jaser. Mais le gars, quand il l'a regardé, est-ce qu'il a établi un contact oculaire, les yeux dans les yeux? Non, pas besoin. Mais c'est une intention de conscience en disant, en donnant un ordre mental, en disant telle personne, toi, tu viens ici, Chris, non? Non, c'est presque mécanique. Faut surtout que tu aies une capacité de voir ce que tu veux qui arrive. Faut pas nécessairement mettre des mots, faut pas nécessairement. C'est des phénomènes bien subtils. Bien, c'est un peu comme une visualisation créatrice. La personne visualise que l'autre est attiré vers soi comme par un aimant, puis l'autre arrive. C'est ça. Mais là, il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est une forme de pensée spirituelle ou magique ou de pensée positive. Non, mais je parle. Non, même pas. Même pas. C'est quasiment de la suggestion mentale, tout simplement. Parce que. Un peu comme dans la guerre des étoiles, là, ceci, ce n'est pas les droïdes que vous cherchez, qu'avait dit Obi-Wan dans le quatrième épisode, là. Quand Non, je peux pas dire, j'écoute jamais écouté ça, ben pour les ben. gens qui sont fans de Star Wars, la guerre des étoiles, ils vont savoir exactement auquel je fais allusion parce que c'est un moment clé là, pour pas être intercepté. Il a comme donné l'ordre mental à des gardes de laisser passer en disant aux gardes quoi leur dire pour qu'ils laissent circuler, pour pas qu'ils soient arrêtés. Ah. Il y en avait un qui avait des talents de même, je me rappelle plus de son nom. Puis Staline, il l'avait mis au défi. Il dit, OK, rends-toi à mon bureau en passant toute la sécurité. Je te donne pas de. Tu sais, je vais pas te donner de droit de passage, là. Puis si t'es aussi fort que tu le dis, là, je veux t'avoir à telle heure dans mon bureau. Puis le gars, il a réussi à passer tout. Puis est-ce que tu La te rappelles, c'est sécurité quoi l'a son pas nom? arrêté. Non, je m'en souviens pas. Ah, ça pourrait être Faudrait intéressant. que je me réinforme, mais il y en a qui sont calés un petit peu dans l'histoire occulte, là. C'est tout ce qui est ces techniques-là, ces choses-là, ils vont leur voir. Il me semble que c'est quelqu'un qui était d'origine allemande. Mais Staline, il avait dit, si t'es aussi fort que tu le dis, parce que le gars, il hypnotisait n'importe qui. Il dit, je veux te voir à telle heure dans mon bureau. Puis le gars, il réussit à passer toutes les affaires de sécurité, puis il était à l'heure dite. Mais, tu sais, c'est des phénomènes liés au système nerveux puis au corps magnétique. Puis c'est des choses, personne parle de ça. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au courant de ces affaires-là, t'as pas le droit de parler de ça. T'es pas supposé parler de ça. Parce que c'est dangereux. Quelqu'un qui maîtrise ces affaires-là. C'est pour ça, moi, j'ai jamais eu un entraînement assidu dans ces affaires-là, parce que j'ai un côté éthique, tu sais, je trouve pas ça correct. Même, j'en avais un de mes amis, lui, il s'essayait tout le temps chez des gens comme des gens qui avaient des tu sais, qui avaient des systèmes nerveux sensibles, comme par exemple des gens fragiles, là. Comme le schizophrène qui parle tout seul dans un parc, là, des affaires de même. Lui, c'est sur du monde de même qui expérimentait parce qu'ils sont fragiles, donc ben sensibles. Mais tu peux rendre le monde malade, tu peux les fucker, tu peux. Puis c'est des responsabilités terribles parce que c'est comme le temps que je pratiquais, par exemple, le regard magnétique. À un moment donné, dans une autre ville où je vivais, il y a une course de bicycle. Une course qui font des tours là, de la ville. Puis ils s'en viennent, puis ça donne que je suis rendu au coin d'une rue. Je me retourne chez nous. Puis les bicycles s'en viennent. Puis il est arrivé là donc qu'il y a un des participants que ça a donné que son regard a croisé le mien. On s'est vu les yeux dans les yeux. Le gars, il a figé sur son bicycle. Puis. Sa roue d'en avant, puis ils se sont tous enfargés, toute la gang. Je te dis que j'ai continué à revirer vers le trottoir, puis je marchais de même, puis je me sentais responsable. Je le sais que c'était de ma faute. C'est moi qui ai fait ça. C'est comme, justement, une affaire qui est arrivée aujourd'hui. Je suis dehors en avant du bloc, puis j'entends quelqu'un qui descend l'escalier qui est le long du bloc. Puis je suis curieux de voir c'est qui. Je regarde. Dès qu'il a vu mon regard, il a failli manquer la dernière marche, puis il a failli se planter en bas des marches. Mais c'est des phénomènes liés au système nerveux. Mais Dans c'est très le puissant. sens que je veux juste bien comprendre, parce que quand tu dis lié au système nerveux, c'est ben, je vais te l'amener à clarifier au lieu d'émettre une hypothèse. Dans quel sens? Ben, dans tous les sens. Ben, le Les système. systèmes nerveux Oui. sont en communication subtile les uns avec les autres. C'est des phénomènes électromagnétiques. C'est la clé de la suggestion mentale, c'est la clé du magnétisme, c'est la clé de tout. Ben, il y a Quand des gens qui vont parler de Freud. l'interpénétration des corps d'énergie. Ouais, mais c'est parce que moi, dès que ça aboutit dans certaines affaires, là, je non. Je reviens à. Mais, Parce que ouais. c'est des affaires qu'on devrait regarder d'une façon le plus scientifique possible, puis c'est des termes galvaudés, tu sais, le corps d'énergie. C'est magnétique, c'est lié à des lois magnétiques. Vraiment, là, comme des aimants, là. Tu peux charger, puis c'est des charges, c'est des. Ben, les gens qui pratiquent la médecine chinoise traditionnelle avec les concepts de yin et de yang, ben, ils peuvent charger une polarité yang très forte pour amener une attraction avec d'une personne d'une polarité plus yin. Puis là, à ce moment-là, exercer une forme de magnétisation d'elle, là. C'est tout lié à ça. Mais. Mais il reste, tu sais, je veux dire, tout ce qu'il y a de réel Oui. dans ce qui est occulte, ça va tout le temps être lié à des lois très, très. C'est des lois naturelles, c'est très carré, c'est très. C'est pour ça que dès qu'on tombe dans les histoires, là, les corps d'énergie, puis tu sais, ceux qui ont vraiment les yeux dans la graisse d'Abine, là. Puis qui achètent des cristaux, puis qui lisent des affaires sur l'angéologie, puis tout, ils n'auront jamais la capacité d'atteindre certains niveaux de ces affaires-là parce qu'ils sont ben trop subjectifs, sont ben trop. Hypnose, comme, ils s'auto-endorment. Tandis que le côté sérieux de ces affaires-là, c'est vraiment des gens très, très carrés, très, très lucides qui ont fait des percées là-dedans. C'est pas Madame Soleil là, qui va faire des découvertes là-dessus ou Jojo Médium ou le médium chose qui canalise tel esprit, là. Ceux qui font des percées dans ces choses-là, ceux qui vraiment finissent par découvrir des choses puis à se rendre compte que c'est applicable, c'est tout le temps des gens qui sont très, très, très carrés, très, très objectifs. Puis ça vient, ils vont souvent avoir une attitude réellement empirique la plus objective possible. Puis ils vont se méfier. Ils vont tout le temps être en train de vérifier, puis de vérifier, puis de vérifier, puis de vérifier, puis ils prennent rien pour acquis. Ben, c'est ça, ils sont dans le Comme. principe de pas croire, de pas être naïf, ça, C'est ça. je le saisis, mais le point par rapport à ton expérience, pour bien la comprendre, parce que tu l'as vécu à plusieurs reprises, c'est-à-dire que tu observes quelqu'un, Souvent. puis la personne, ben, tu peux la déstabiliser ou la personne peut venir vers toi. Par rapport à ça, moi, ce que je voulais comprendre, c'était les lois opérationnelles derrière ça au niveau énergétique. C'est juste des lois magnétiques de charge puis de décharge. Même si tu observes certains phénomènes liés à des sorciers de certains coins de l'Afrique, c'est encore la même affaire. C'est juste qu'eux autres, ils vont en parler autrement. Non, mais en lien avec ce que Mais. tu dis, si on prend ça à la petite enfance, comme moi, par exemple, à l'école, si je voulais que quelqu'un se retourne, je le fixais en arrière à la nuque d'une C'est manière ça. assez intense. Puis bon, il y a d'autres personnes qui m'ont rapporté que ce type d'expérience-là donnait des résultats. Mais le Ben oui. point, oui. Ben oui, ça donne des résultats. C'est ça, mais Si t'es bien. En plus, si tu sais comment te servir de ton environnement pour accumuler de l'énergie. Ben, tu sais, c'est des affaires, je te déconseille. Ben, je J'ai dis pas non, jamais. non plus de faire ça aux gens. C'est juste l'idée de la discussion présentement, c'est d'en faire l'étude pour emmener une compréhension des principes derrière ça. C'est-à-dire que derrière ça, il y a le principe que, à quelque part, en dépit que nos corps physiques sont séparés, ben, il y a une capacité d'influence psychique ou tacite qui peut Oui. s'opérer. On baigne tous dans le même bain. Ben, ça revient au principe de la physique quantique, qu'il n'existe qu'un seul champ d'énergie dans lequel chaque individu baigne, puis une possibilité Bon, ben, sans aller d'interinfluence. jusque-là, juste le fait qu'on vit sur un corps vivant qu'on appelle la Terre, que cette affaire-là elle-même, elle a une charge électromagnétique, puis il y a des courants, puis il y a des. On baigne dans un environnement comme ça. C'est les premières étapes

Moi, j'ai regardé ces affaires-là superficiellement pour des raisons que c'est de la mythologie populaire, si on peut dire, pour savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière, l'occulte de ça. Puis les côtés comme X-Men ou les super-héros, puis tout, il y a de quoi vers le transhumanisme un petit peu en arrière. Fait que ça joue dans le politique, ça joue aussi par rapport à l'idéologie des gens qui vont. Tu sais, le monde qui sont beaucoup dans le domaine de la bande dessinée aux États-Unis, ben c'est souvent du monde de certaines ethnies, des Juifs qui viennent d'Europe de l'Est. Il y a toutes sortes de Tu sais, mondes, je là. C'est parle. sûr qu'au début des années 1900, avec le personnage de Capitaine America, ça servait la propagande pro-américaine pour donner le courage aux Bonsoir. soldats lors de la guerre Ben, mondiale, le là. C'était courage. entre guillemets, là, mais en tout Ben, cas, ça c'était crée, ouais. valoriser le patriotisme. C'était soit la Première ou Deuxième Guerre mondiale pour mobiliser les soldats de s'inspirer de Capitaine America pour s'engager dans les forces puis combattre les nazis puis ces choses-là. Ben, c'est qu'ils ont probablement demandé à des psychanalystes, des psychologues, ou bien même du monde plus calé dans d'autres affaires qui vont au-delà de ça. Quelle sorte de mythologie populaire faut construire pour donner une direction à l'énergie? C'est comme Winston Churchill, il voyait les nazis avec leur sparage, puis le bras dans les airs, puis tout. Puis il est allé voir un occultiste anglais, puis il avait dit, y a-t-il moyen d'avoir nous autres et tout un geste, tu sais, qui est tout aussi puissant, qui serait un équivalent, puis tout, puis lui, il a dit, fais ça de même. Puis il dit que c'est le lever de la victoire. Exactement, pour se mettre en opposition contre le salut éclairin là, avec le doigt pointé là, d'Hitler là, en l'air. Ouais, mais ouais, entre autres, mais quand les. Dans la Wehrmacht, quand les soldats ils faisaient leur serment, puis les affaires, là, ils faisaient comme ça. Mais tu sais, c'est comment tu peux. En tout cas, il y a des affaires assez subtiles derrière ces choses-là Oui, que je peux comprendre que. il y a du symbolisme, etc. Mais juste pour ne pas perdre le fil, parce que tantôt, dans les différentes sortes d'arbres, tu disais que le pin, c'était une sorte qu'il était plus propice à nous charger d'énergie. Bon, toi, ça donnait qu'il y avait un trou dans l'arbre, donc tu as mis la tête dans le trou. Mais comme l'avait déjà dit quelqu'un à moi, il dit, si tu veux te recharger, tu fais comme un gros câlin à un arbre pendant 15-20 minutes, puis tu vas voir que l'énergie, elle va t'ajuster, là, si t'es déstabilisé émotivement. Ouais, sauf moi, c'était pas pour des raisons émotives ou. Parce que ça, je considère que l'individu, il faut qu'il atteigne la capacité de gérer ses émotions avant d'aller vers. Vers l'arbre, quoique l'arbre peut être un support énergétique en se restabilisant sa vibration. Ouais, parce que là, l'arbre, t'sais, moi, je le vois comme je peux m'en servir comme un amplificateur. Mais Mais là. t'as-tu eu des résultats par rapport à ça qui sont justement mesurables? Ben, mesurable. Toutes mes expériences de ce genre-là, je les gardais pour moi. Même si j'ai pris des notes pendant des années, même si j'ai vérifié tout ce que je pouvais, j'ai tout le temps considéré ça comme, tu sais, j'ai jamais pensé, même que j'en parlerai publiquement un jour. Premièrement, parce que c'est des affaires que. Il y en a un là, qui était directeur de l'école polytechnique, je pense, de Paris, en France. Il me semble que c'était l'école polytechnique de Paris. Le colonel Albert de Rochasse-d'Aiglun. Lui, il étudie le corps magnétique, puis il l'étudie scientifiquement. Mais encore aujourd'hui, il y a de ses notes, puis de ses affaires, puis de ses données que c'est pas public, là. On peut pas garrocher dans le public n'importe quoi. Sinon, on va être dans Naturellement, la merde parce qu'on est partout. on n'est pas n'importe qui non plus, là. Ouais, mais c'est surtout parce qu'il y en a des n'importe qui. Ça devient dangereux. Dans le sens que, tu sais, il y a tout une responsabilité. Je veux dire, si tu donnes des trucs à du monde, puis ils font du trouble avec, C'est lui, en tant que petite âme immature qui commence, il n'est pas responsable, c'est toi qui l'es. Fait que le côté loi karmique de ça, moi, j'ai pas envie de me manger les retours, là. Non, non, ben je comprends. Tu veux pas comme être comme les États-Unis qui vont armer, par exemple, les Ukrainiens en leur donnant des armes défensives et offensives comme des lance-missiles pour faire la guerre aux Russes, là. Ouais. Ben, les Américains, maintenant, ils vont payer tout le karmique à eux autres. Mais c'est C'est-à-dire. subtil, le karma des Américains. Parce que les Américains, d'un côté, ils ont fait exploser la bombe de Nagasaki d'Hiroshima au Japon. Où il y a eu, on s'entend, c'était pas des objectifs militaires, c'était des villes. Fait que tu as des civils qui sont morts dans ces Ouais, ben, c'est villes-là. des villes industrielles importantes OK. au niveau de Mais l'industrie, bon, là. il y a quand même des femmes, des enfants qui sont morts, puis ils vont faire la Oui, morale par mais rapport à qu'est-ce qui se qui... passe en Ukraine en disant, regardez, les Russes, ils attaquent une école ou ils vont attaquer un hôpital où ce que des femmes enceintes se trouvent, c'est horrible. Mais oui, mais eux autres même se sont pris à des villes, puis là, ils vont critiquer les autres parce que les attaques sont pas ciblées à des objectifs qui qualifient de militaires. Ben, tu sais, les Américains, ils commanditent une mafia, là, tant qu'à moi. Fait qu'ils le savent. Mais, tu sais, c'est comme les Ukrainiens, pourquoi qu'ils vont faire. Pourquoi qu'ils vont servir d'école, justement, puis d'hôpitaux? Parce que c'est possible qu'il y ait des Russes qui soient. En fait, les Russes, peut-être qu'ils attaquent parce que des tireurs d'élite Ben ukrainiens qui oui. sont embusqués là. Puis là, dès que les Russes attaquent, eux autres, ils essayent de saisir l'opinion internationale. Regardez des crimes de guerre. Ben oui, parce Explique qu'ils quand attaquent une même, c'est mal école, des deux mais bords. c'est ça, ils attaquent à mettons, on fait une mise en situation. Si, par exemple, il y a un tireur d'élite ukrainien qui reçoit des armes des États-Unis, il va se cacher dans une école, il va essayer d'utiliser les enfants comme bouclier humain pour pas que les Russes ripostent, puis lui, il va tirer. Puis si moindrement un Russe tire sur une école ou un hôpital, ah, regardez, vous faites des crimes contre l'humanité, vous en prenez à des civils. Regarde, là, ils sont là à dire, ah, ben, check, même Amnesty International, ils n'ont. Le responsable d'Amnesty International en Ukraine, à Kiev, il a démissionné parce qu'ils sont écœurés. Dans le sens que c'est connu, on le sait, mais ils n'en parlent pas aux nouvelles. Mais ils préfèrent aux nouvelles dire. Ben, les Russes, ils font des crimes de guerre puis ils attaquent des écoles puis des hôpitaux, tandis qu'il y C'est a ça. Puis des là, ils vont nous ONG. montrer des images d'écoles détruites ou d'hôpitaux. Puis regardez, là, c'est eux autres qui ont tiré dessus. Puis, ouais. Ben, moi, je soupçonne. Regarde la centrale nucléaire de Zaporijjia. Je pense pas que les Russes sont pas assez stupides pour. Mais Ben là, dans non, ce c'est encore cas-ci, ce là. qu'on nous dit dans les médias officiels par rapport à ça, c'est que chacun se renvoie la balle. C'est-à-dire, les Russes disent c'est les Ukrainiens qui bombardent la centrale, puis le contraire, c'est-à-dire, les Ukrainiens disent que non, non, c'est les Russes. Tandis peut-être que c'est la troisième pointe d'un triangle qui agit là. Ou une troisième force qui a tout intérêt Des à mercenaires, là. accentuer les animosités entre les deux forces en présence pour qu'il y ait une escalade. Ben oui, puis ça suit toutes les vieilles façons connues, ça suit toutes. Ben, diviser pour régner, puis accentuer la division pour vendre des armes, puis il y en a qui s'enrichissent plein les poches. T'sais, que Ouais. ce soit un côté ou l'autre qui achète les armes défensives ou offensives, les producteurs de drones présentement qui vont en vendre par grande quantité pendant la guerre en Europe de l'Est, eux autres qui s'enrichissent. Ben oui, parce que c'est une industrie, puis mais c'est tout hypocrite. Puis nous-mêmes, on trempe dans de la propagande de guerre. Puis on peut pas se fier à nos propres médias. Puis eux Exact. autres non plus. Fait qu'il n'y a rien de fiable, jamais. À part développer un discernement. Puis ça devient. C'est un peu comme faire de l'algèbre, là. Tu sais, je veux dire, c'est à nouveau d'un discernement que. Tu finis par découvrir les inconnus par déduction. Puis à un moment donné, tu vois ce qui se passe. Mais ça, c'est rough. Parce que plus tu vois ce qui se passe, plus tu te rends compte à quel point ça a encore moins de bon sens que tu pensais. Puis on est sur une planète encore plus dégueulasse que ce qu'on pensait. L'être humain est encore plus fou qu'on le pensait. Mais là, il reste au fond que, justement, C'est pour ça, là, l'affaire de, au niveau du psychologique, au niveau de l'émotionnel, d'intégrer certaines affaires. Sinon, ça sert à rien de se mettre sur le chemin d'une conscientisation parce que c'est comme t'en aller dehors tout nu en plein hiver. Il faut commencer par être capable justement de gérer certaines affaires, sinon on ne passera pas à travers. Ça fait faire du monde justement qui vont être dans le désespoir puis qui vont se suicider. Oui, pour en revenir à notre thème de tantôt, puis moi j'ai l'impression, une des raisons entre autres pourquoi que je te parle du sujet du suicide, c'est que présentement j'ai l'impression que on est dans une période de fin de cycle, puis depuis les 2 dernières années, on dirait que les événements au niveau international s'amplifient, là. C'est sûr qu'il y a eu la crise sanitaire, là, il y a la guerre en Europe de l'Est, on parle des menaces climatiques, on parle de pénuries présentement qui sont grandissantes, là, au niveau, entre autres, alimentaire, les microprocesseurs, bon, différentes marchandises aussi. On parle aussi par rapport au niveau économique de l'inflation, des records d'inflation jamais vus depuis 30 ans, de l'inflation à 7-8 % dans les pays occidentaux, une dégradation du pouvoir d'achat, appauvrissement de la population. Donc, on est comme une conjoncture, en tout cas au moment où on se parle, là, en ce mois d'août 2022, qui me semble extrêmement critique. Ben, c'est la démolition contrôlée que je parlais déjà il y a quelques années à s'amplifier. Parce qu'ils veulent instaurer un nouvel ordre. Si tu veux instaurer un nouvel ordre de force, faut que tu crées du désordre. Ordo ab chaos. Ouais. Fait que toute société prévisible, mais pas par tout le monde. C'est pour Mais il ça, y a là, des les choses qu'on a chocs. vues ensemble. T'sais, on a fait plusieurs émissions. En fait, on discutait ensemble avant la crise en 2022, puis là, pendant qu'on se parle au mois d'août, il y a comme une petite économie en lien avec la crise sanitaire, mais il y a des choses comme l'inflation. C'est sûr, quand ils ont investi, ben investi. C'est un gros mot, là, mais quand ils ont mis plein d'argent dans l'économie, les pays occidentaux, que ce soit le Canada qui s'est quasiment doublé sa dette en 2 ans, puis d'autres pays, la France, etc., c'est sûr qu'en mettant plein, en inondant les marchés de devises, c'est sûr qu'il y allait avoir de l'inflation. Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est de la monnaie de singe. Fait que là, ça fait quoi à ça? Ben, plus t'en imprimes, moins ça vaut de quoi? C'est sûr. En plus, c'est pas backé, il n'y a rien en arrière. Tu Mais sais, non, si c'est ça pas supporté par continuerait, l'or. ben c'est ça. Ou par d'autres choses. Alors, regarde l'eau qu'il y a dans notre sol, les métaux qu'il y a dans notre sol, ils vont servir à payer des dettes. C'est bien de valeur, mais c'est juste du vol organisé de la population. Ben, on pourrait envisager un scénario d'austérité drastique, un peu comme connu la Grèce vers 2010, C'est un où laboratoire. ben, c'est ça, à petite échelle, on va déposséder les citoyens. Ah, tel est le grec, telle infrastructure. Ah, on va Ben rendre oui. ça privé pour rembourser les dettes du public. On va privatiser. Ils sortent de la psychologie de masse, puis. Le seul, ce qui est arrivé en Grèce, la façon dont le FMI, puis la façon dont ils ont agi, puis c'est un vol, puis un viol organisé de la population grecque. Puis il y a tous les pays de l'OTAN, il n'y a personne qui a pris leur défense. C'est la même chose que comme, mettons, regarde là, Roch Moïse Thériault, là. Lui, il ramasse un groupe de personnes, puis là, pour tester justement leur passivité puis leur obéissance, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par maganer quelqu'un dans le groupe. Puis là, les autres réagissent pas, ils laissent faire ça, puis même il va les faire participer, puis c'est le même genre de technique, c'est juste pas à la même échelle. Mais ça, ce bonhomme-là, Roch Moïse Thériault, c'est une sorte de. Ben, il y en a qui l'ont qualifié de gourou de secte, là. Oh, ça va plus loin que ça. C'est un maître, là. C'est dans le sens. Ce qu'on pourrait appeler un maître noir. Mais notre planète est dirigée par du monde de même. C'est juste à une autre échelle. C'est encore plus gros. C'est encore plus. T'sais, c'est des personnages. Tu le sens. T'sais, moi, je la sens, là. T'sais, je veux dire, c'est du monde de même qui nous gouverne. Mais ils sont derrière des rideaux. Nous autres, on a affaire à. Check l'ordre du temple solaire. Tu avais Luc Jouret, qui était le gars charismatique, qui faisait des conférences. Puis, dans le fond, le maître noir qui était en arrière, si on peut dire, à cette échelle-là, mais même s'il y en avait d'autres, c'était Joe DiMambro. Lui, il était comme un maître secret là, en arrière. Mais c'est Luc Jouret, parce qu'il était charismatique, parce que, tu sais, je veux dire, c'était comme le maraudeur, puis le... Ben, un peu comme quelqu'un qui va recruter, qui va attirer les gens, puis Ça. ensuite, quand il commence à s'attacher à lui, ah, on va t'amener en arrière, mais là, il va falloir que tu te soumettes à certaines règles ou certaines procédures. C'est tout le temps le même. Fait que c'est les mêmes phénomènes, mais à un niveau plus vaste. Puis toute la société humaine est basée sur des affaires de même. Même sans qu'on s'en doute, je veux dire, regarde, il y a juste une cour d'école, ça marche de même. C'est parce que l'être humain, c'est un enfant. Puis en même temps, ben, C'est on une... est infantilisé par nos dirigeants, ensuite toute la publicité, les médias, le système éducatif aussi. Ben oui, mais tout est basé là-dessus. Le côté puéril de l'être humain, ses désirs, ses déceptions, la polarité, le renforcement positif, négatif, le fait, toutes ces mécaniques-là qui viennent de son animalité biologique planétaire, mais aussi de son psychique qui en découle, l'immature. Ben, moi, la façon que je vois l'humanité, c'est qu'on est constitué essentiellement d'êtres carencés sur le plan psychologique, sous-développés sur le plan psychique. On est gardé petit, puis après ça, on se comporte d'une manière petite. Fait que là, ça légitime nos dirigeants de nous traiter comme des petites gens. Fait que c'est un cercle vicieux. Tu sais, on garde les gens stupides. Ouais, mais là, on fait l'erreur de s'identifier à ça. Tu en disant on est petit. Puis... Il est là le piège. Puis c'est de même que ça marche. Je comprends qu'on cherche à nous faire croire qu'on est petit, puis on n'est pas nécessairement ça, mais on est tellement martelé par le battage publicitaire, programmation sociale, que c'est très difficile de faire face à ce type de programmation-là. Ça dépend le type d'individu. Parce qu'il y en a, ça va faire exactement l'effet contraire. Tu sais, Oui, c'est un puis. peu. Oui, puis il y en a certains qui vont se révolter par rapport à ça. Ouais, c'est un autre piège quelque part. Parce que là, tu te fais spotter. Les têtes fortes qui vont servir d'exemple. Fait que là, c'est bien subtil, là. Faut que tu marches tout le temps là entre deux, t'es sur un fil. Tu sais, c'est bien plate, là. Ben, c'est bien plate, c'est le fun aussi. Mais dans le fond, là, c'est un peu comme la Terre, dans le fond. C'est un peu en même temps, c'est un peu comme une école, en même temps que c'est une game, en même temps que c'est une prison, en même temps que. Bien, il y en a certains qui vont parler de la Terre comme étant une planète école pour de jeunes âmes en voie d'évolution. Bon, mais il y en a eu tous des vieilles hommes qui ont été sacrés là pour les. Comme quand t'exiles quelqu'un parce qu'il. Il Parce est que. Il... indiscipliné. Oh, il a fait du trouble. Ou... Tu sais. Fait que là, faut qu'il retourne à l'école pour se rendre compte qu'il est pas. Mais tu sais, c'est bien subtil, là, parce que nous autres, là, on met des formes. On dit, oh, c'est comme une école, puis là, ça aboutit à toutes sortes d'affaires. Mais c'est plus subtil que ça, parce que l'ego incarné, il n'est pas réel. Tout ce jeu-là se fait pour quelque chose d'autre, qui, lui, va survivre. Puis c'est lié à de l'énergie, puis. Mais il reste que ça aboutit à des affaires de délire, ça aboutit à des affaires. À un moment donné, il y en a qui disent, les scientologues, ils ont un livre, là, secret. Tous ceux qui lisent ça, ils virent fous. Mais en fait, c'est pas ça l'affaire. C'est que c'est la conception, secrète, de l'histoire secrète du monde de la scientologie, puis il y en a qui ont mis tout leur argent puis toute leur vie pour monter les échelons, puis là, une fois qu'ils arrivaient à l'accès à lire ce texte-là, qui expliquait supposément tout, ils se rendraient compte qu'ils avaient fait gaspiller leur argent puis leur vie, puis ils viraient fous. C'est aussi niaiseux que ça. Mais tu sais, je veux dire, pour ça, de ne pas aboutir jamais à des formes Ouais, ben c'est trop. comme quelqu'un qui dit, ah, je vais gravir le sommet de la montagne pour élever ma conscience et atteindre un niveau de réalisation. Puis là, la personne, elle se dépense en maudit, elle manque d'oxygène en haute altitude. Finalement, elle est en haut de la montagne, puis elle n'est pas plus consciente. Ben, tu sais, c'est comme il y a un médecin québécois qui est décédé récemment, il a fait l'ascension du K2. Mais il a jamais fait, il n'est pas redescendu. Il est mort. Tu sais, c'est bien triste, mais il y a quelque chose comme ça chez l'être humain. C'est-à-dire, il veut se dépasser, puis comme c'est une attitude psychologique, il se limite au lieu de se dépasser. C'est là que c'est des pièges tellement subtils. Il y a tellement de monde qu'on pense que c'est du monde, puis c'est des trous de cul, puis il y a tellement de trous de cul qu'on pense que c'est des trous de cul, puis au fond, c'est du grand monde, puis on se rend pas compte, puis on vit dans un monde d'ombre, puis de projection. Puis c'est tellement subtil, c'est tellement. C'est vraiment. C'est comme si tout le temps, faut tout le temps marcher sur un fil, puis je connais personne qui de temps en temps a pas. C'est pour ça, justement, comme tu sais, on disait, ah, Bernard, il a dit telle affaire, Bernard, il a dit telle affaire. C'est à faire attention parce que on est si. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste l'affaire, ah, il avait un mandat pour venir instruire du monde, puis. Non, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas le prendre du cash, puis il ne faut pas faire d'instruction supramentale, une nouvelle Bible qui va remplacer la croyance en Jésus-Christ, là. Ben non, faut pas que ça devienne une nouvelle religion, faut pas que ça devienne une doctrine, puis. Parce que ça va devenir tout ça de toute façon. L'affaire, c'est que ça part dans différents sens. Puis, continuer à rester. Centrique en dépit de tout ce qui se passe pour pas sombrer dans la folie ou comme certains malheureusement dans le suicide, là, ouais. Ben oui. Puis pourtant, il y en a que. Il y a une affaire, moi, qui m'avait marqué. C'est un enregistrement, là. Il y a du monde dans la salle, puis il a l'air d'en avoir pas mal, mais c'est un audio. Puis il dit, il y en a beaucoup parmi vous autres qui vont se suicider. Puis quand j'avais entendu ça, je sentais la vibration que c'était vrai. C'était tellement vrai. Puis par après, quand j'ai côtoyé du monde qui avait été séminariste, dans le sens de de communiquer avec eux autres, puis au bon moment donné, j'étais allé à Montréal, puis j'ai rencontré. C'est sûr. C'est sûr. Dès qu'on pense qu'on a l'affaire, on est en danger. Dès qu'on pense qu'on a compris de quoi, c'est parce qu'on n'a rien compris. Puis moi, je peux pas. Tout ce que je peux me fier, c'est pour ça que j'ai beaucoup été dans la recherche, mais au niveau de choses que je peux tester puis vérifier, ou avec lesquelles je peux expérimenter. Parce que, puis même les expériences internes que j'ai psychiques, puis je donne pas de valeur à ça. Je peux pas. Puis je suis rendu à un point où je donne pas de valeur à ma vie pour pas la perdre. Parce que c'est un peu ça, quelqu'un qui se suicide. Il va donner tellement de valeur à son expérience qu'il n'a plus envie de la subir. Or, qu'on devrait prendre l'autre chemin, genre donner de la valeur à notre expérience pour se transmuter. Pour pas souffrir pour rien, au moins souffrir pour quelque chose. Puis que rentabiliser l'expérience, puis finalement dire à chaque fois que je vois quelque chose, j'ai vu quelque chose, à chaque fois ça m'a servi. Là, ça devient intéressant. Mais si c'est à chaque fois, c'est tout le temps comme répétitif de revivre tout le temps la même expérience pénible, puis là, ça s'accentue. Puis finalement, tu vois plus le bout. Puis là, on se met à être obligé de. Si la colère mentale est dirigée contre l'invisible de cette attitude-là, au niveau d'une attitude psychologique un peu, puis qu'il y a une anthropomorphisation de l'invisible, puis ça peut juste être tout le temps recommencé. Ça sera jamais permanent. Donc, la personne ne pourra pas établir la paix de l'esprit dans une attitude de colère mentale. Ouais. Puis même là, la colère mentale, c'est bien subtil. Parce que c'est comme tu te mets tellement à. Tu deviens. C'est plus qu'être centrique, là, tu deviens concentrique, plus ça vibre. T'émets un chant. T'émets un chant, puis c'est ce chant-là qui fait que la mise en initiation au niveau de l'événementiel, elle va pas que tu vas empêcher l'événementiel, mais au niveau des failles puis du psychologique, ça va, ça pourra pas. Tu vas avoir plus de misère. Puis même là, on a tout le temps des failles. Tu sais, c'est bien difficile de. Puis là, quand on a des failles, ça sert, après, ça sert encore à émettre un chant. Tu émets un chant, puis ça va créer une espèce de. Ça crée une émission. C'est difficile à expliquer. Mais c'est justement, j'allais en venir à demander de donner un exemple concret pour illustrer ton propos. Ben, moi, les pires colères mentales que j'ai eues, j'avais même pas de forme pensée. J'avais subi des choses terriblement déplaisantes, puis j'étais juste. J'étais rendu là que c'est difficile à expliquer. T'sais, mais au niveau de ma psyché puis de ma pensée, il n'y avait plus de forme. Il n'y avait pas de processus mental. Réflectif, il n'y en avait plus. J'étais juste en crise jusqu'à d'autres niveaux, là. Ça allait plus loin, là. Puis je le sentais, je sentais les cochonneries qui avaient, si on peut dire, entre guillemets, les intelligences qui marionnettisaient la situation, puis tout, je le sentais, là, que ça se tassait, là, puis il était. Puis je peux pas appeler ça l'esprit, je peux pas appeler ça l'astral non plus, je peux pas appeler ça. Je sentais juste que j'émettais un espace. Oui, je comprends. Tu t'émettais un rayonnement énergétique qui amenait une distanciation là, des forces qui cherchaient à te pénétrer ou baisser ta vibration. Ouais, puis là, je devenais intouchable dans le sens que. Il aurait pu arriver n'importe quoi, j'aurais. Tu sais, j'acceptais plus rien, là. J'avais plus la capacité d'accepter rien. Dans le sens qu'à un moment donné, tu sais, des fois, il faut faire notre deuil, puis. Mais là, tu sais, non seulement tu n'acceptes plus rien, mais tu le sais que tu n'auras rien pantoute pareil. Tu es juste en crise. Puis, pas à peu près, c'est difficile à décrire au point où. Le processus mental s'arrête. T'es juste Mais dans tu décris l'émission, très puis bien, tout. c'est drôle parce que notre vocabulaire québécois coloré avec nos jurons être en crise, mais c'est faire rayonner en quelque part le Christ en nous, la puissance ou ce que certains vont dire la divinité. Ouais, mais d'un autre côté, je voudrais pas non plus. Parce que c'est quoi, tu sais, de la divinité? Puis je veux pas non plus prendre des formes de même qu'il y en a que. Je comprends, C'est, ils tu vont sais, ça a une valeur. spiritualiser ça, mais ce que je veux dire, c'est une montée en puissance qui te donne un taux vibratoire qui fait que tu n'es plus dans un état de soumission à ce qui t'est occulte ou voilé. Même quand ça t'arrive puis que tu es soumis en apparence, tu n'es pas soumis en dedans. C'est ça. Même à un moment donné, j'entrais dans des états là, que je me disais, même si je perds tout, puis que je me ramasse dans la rue. Ou bien qu'on me met en prison, peu importe ce qui arrive, jamais je vais plier. Jamais. Dans le sens que je le sais que c'est de la merde, je le sais que c'est des. Tu sais, je veux dire, on est dans une subjectivité expérimentale qui est un mensonge à tous les niveaux. Parce que. Puis, tu viens que tu regardes, c'est comme si ça perçait différentes couches, puis que tu dis, je le vois. Je le sais, puis vous pouvez, il n'y a rien qui peut rien faire contre ça, peu importe. Tellement que tu viens, tellement, c'est un peu comme si, tu viens dans un état, là, tu te dis, même si, tu sais, les mises en situation, là, même si on m'amenait dans le bois pour m'exécuter, jamais je vais supplier, il n'y en est pas question, jamais je vais donner raison. Jamais. Puis des fois, je me dis, c'est peut-être ça qui fait qu'il y en a qui ont été jusqu'à un certain point. Tu sais, quand tu le sais, là, tu le sais que c'est pas de ta faute. Tu le sais que tu mérites pas ça, mais que ça va arriver pareil. Ben, peut-être que si on te force à aller dans un cirque romain, puis qu'il y a des lions, ben peut-être que les lions vont être soumis en avant de toi, puis tu vas te mettre à flatter les lions, puis ils ronronnent, puis à jouer avec eux autres, puis là, tu vois la gang de Romains qui se dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Mais comme dans une bande dessinée d'Astérix, là, où, je pense que c'était les 12 travaux de César, puis à la fin, ils vont dans le cirque romain, puis finalement, ben, ils font un cirque comme on l'entend dans le domaine contemporain où ils jouent avec les animaux. C'est une bonne idée. Puis justement, dans les 12 travaux d'Astérix, tu sais, quelqu'un qui est trop spirituel, puis qui est trop sur des chemins d'initiation spirituelle, puis au point de penser qu'il est supérieur aux autres, puis qu'il peut se permettre de vivre dans une tour d'ivoire. Une affaire, je me rappelle, moi, des 12 travaux d'Astérix, c'est le vénérable du sommet. Ils gravissent toute une montagne pour aller Oui. voir un vieux sage. Puis finalement, ils se rendent compte, c'est un fou. Il est complètement ridicule. Il leur faut faire un test de lessive. C'est qui est la plus douce. Oui. Puis, tu sais, quel qui râle je sais plus trop quoi, ça fait longtemps. J'ai vu ça à Ciné 4, Moi genre en aussi, à mon 89. enfance, pour les gens qui nous écoutent, bon, Astérix Obélix, c'est une bande dessinée, ça fait depuis plusieurs années, dans les années 80, où est-ce que ça jouait continuellement dans le temps des fêtes ici au Québec. Puis moi, ce que j'aimais, c'était la maison qui rend fou, avec la bureaucratie, où ils cherchent à manipuler les gens, puis les rendre fous en demandant tout le temps des formulaires, puis la procédurite que j'appelle, des documents sur des documents pour obtenir d'autres documents, là, ouais. Ouais, ben ça, c'est des allégories dans le fond, c'est de l'humour par rapport à c'était de l'humour par rapport à ce qui est contemporain dans le fond. Oui, tout à fait. Fait que parce que dans le fond au niveau des Gallo-Romains dans le temps là, on est loin de ça là, par rapport à la vraie histoire des Gaulois, entre guillemets. Mais il reste que c'était intelligent. C'était quand même intelligent au niveau comme humour, au niveau des allégories. Parce que le vénérable du sommet, il craque pas de pour vrai, puis c'est souvent ça, un maître. Dans le fond, là, c'est un Christ de fou. Ça m'est arrivé de jaser avec du monde qui avait parcouru, il avait parcouru des. Il était allé jusque dans d'autres pays, puis il avait fait des sacrifices pour vivre avec certaines communautés, puis tout. Puis ça leur a pris des années à se rendre compte que finalement, le maître qui se considérait tellement chanceux de vivre auprès de lui, qui est de faire partie de l'histoire, puis de faire partie de son entourage, puis dans le fond, c'était un esti de crackpot qui était Oui, complètement. mais souvent ce qui arrive, c'est que les gens s'en rendent compte quand ils sont confrontés à des chocs, comme par exemple un suicide collectif qui initie le maître. Ben, c'est ça. Mais ça, il n'y a personne qui. On vit dans une société qui on est des animaux sociaux, puis il y a des hiérarchies, puis les jeux d'influence, puis toutes ces affaires-là. On n'a pas été éduqué à l'idée que un maître, ça n'existe pas. Tu peux juste avoir un maître dans ta vie, c'est toi. Tous les autres maîtres, ça n'a pas le choix d'être de la merde. Ça n'a pas le choix. Je veux dire, parce que juste le concept, je veux dire, si c'est un maître qui a quelque chose de concret, là, je le sais-tu, moi, tu sais, c'est pas pareil, là, comme, je le sais-tu, moi, lui, c'est un maître luthier, tu sais, il fabrique, là, des instruments qui ont une grande qualité vibratoire, puis ça, c'est un maître. Parce qu'il y a quelque chose de concret. Mais un maître qui maîtrise l'art de la divination avec tel support, ou un maître qui. Ça n'a pas le choix d'être de l'hostie de marde. Ça n'a pas le choix. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que ça prend des chocs de vie extrêmes où les personnes sont poussées dans leur dernier recoincement ou sont confrontées à des suicides collectifs. Tu sais, la personne suicide pour aller sur Sirius en groupe avec une gang d'autres personnes, ben pas fort. Ben c'est là qu'on voit que dans le fond, c'est les mêmes forces qu'il y a toujours eu, puis ça mène à la mort. T'sais, dans le sens que, regarde au niveau là, dès que c'est une affaire d'influence, tu sais, j'ai bien de la misère à comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir la grande fraternité blanche de ci pis de ça, puis le bonhomme, il y a une canne avec un cristal au bout, puis la barbe jusqu'à terre, puis c'est les... Puis le monde, il allume pas. Quelqu'un d'intelligent, il va s'arranger pour avoir l'air de rien. Quelqu'un qui est quelqu'un, il a l'air de rien. Quelqu'un qui a l'air de quelqu'un, il est rien. C'est souvent des jeux comme ça. Puis on n'a pas été éduqués, je veux dire, Puis on se fait pogner par des affaires, c'est tout le temps la même histoire. C'est tout le temps la même histoire. Quelqu'un qui comprend la différence entre les besoins puis les désirs, ça va ni être une assiette, ni être quelqu'un qui est dans des bouches. Tu sais, je veux dire, il va tout le temps avoir un équilibre, il va tout le temps avoir... puis ça va être simple, puis ça sera pas compliqué, puis même quelqu'un de même, ça donne rien d'aller l'achaler, il va avoir la paix. Ben, quelqu'un qui est bien dans sa peau, il cherchera pas à convertir les autres puis avoir une horde de disciples derrière lui. Ben non. Dans le fond, là, toute démarche, là, de vraiment... La démarche, ça devrait tout le temps être un échange horizontal. Puis même, je soupçonne, il y en a que c'était ça le but. Puis si à un moment donné, ils ont fait table rase de ce qu'ils faisaient, c'est parce que finalement, ce qui attirait à cause de, justement des lois magnétiques, de pôle contraire, puis tout, c'était du monde qui allait les idolâtrer. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est pas surprenant qu'il y ait du monde. En tout cas, tu sais, je veux dire, c'est comme il y en a qui disent, oh, un tel, il est super bête en personne, puis ils comprennent pas ça. Bien, c'est sûr, si tu vas écœurer un acteur que tu connais pendant qu'il fait son épicerie, puis oh, vous êtes tellement bon, puis ça se peut qu'il se tanne parce qu'il vit ça tout le temps. Oui, bien c'est ça, il veut pas se faire coller par tout le monde, puis à un moment donné, c'est comme des mouches à marde, si on peut dire, qui tournent autour de lui tout le temps, là, la personne n'a plus d'intimité. Là. Tandis. Puis ça, c'est bon signe. Tu sais, je veux dire, c'est bon signe. Tandis que du monde qui veulent être adulé, puis tu sais, ils font des autographes d'avance avant de sortir parce que il y a de quoi qui. Tu sais, Ben, oh, c'est ils pas nourrissent le carrant, mouvement puis. parce que ça leur confirme sur le plan identitaire qu'ils sont quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils vivent à travers du regard du disciple ou de l'admirateur. Ça, habituellement, ça veut dire qu'ils sont personne. Exactement, puis ils sont encore Fait que... plus s'ils ont une baisse de popularité parce qu'il y a un scandale qui éclate, qui, les déprécie aux yeux, du public. Ben oui. Puis c'est justement vers ce genre de personnalité-là que si tu grattes un peu, là, un journaliste le moindrement intelligent, là, dans le temps qu'il y en avait peut-être encore, là, mettons qu'il est de mauvaise foi, puis il veut trouver des scandales, il n'y aura pas à gratter longtemps. Il va savoir exactement vers lesquels aller, puis il va gratter un petit peu. Puis il va tout le temps trouver de quoi. Il va tout le temps trouver de quoi, c'est sûr, parce que toutes ces attitudes-là, au fond, c'est de la déviance. Fait que c'est sûr qu'en arrière, il doit y avoir d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Souvent, ce qui arrive, c'est que pendant l'enfance, l'enfant, il s'est pas senti vu. Ou il était mis sur un piédestal par... du monde qui l'ont mal éduqué. Dans les deux cas, ça va aboutir à n'importe quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Fait que... Mais il Oui, ben reste c'est un ça. Il petit faut peu que là. l'enfant soit vu et reconnu tout en étant encadré, pour Oui. pas non plus qu'il y ait un ego surdimensionné, là. Ben oui. Parce que quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est aussi pire que quelqu'un qui n'a aucune estime de soi. Tu sais, je veux dire, dans le fond... On devrait aspirer tout le temps à être objectif. C'est dans un cas ou dans l'autre, ça l'est la subjectivité qui nuit. C'est comme, par exemple, du monde qui sont incapables de tolérer la critique ou la frustration sont en danger. Ils ont été mal éduqués. T'sais, ça fait du monde qui pourrait s'enlever la vie, mais habituellement, ce genre-là, ils vont plus nuire à la vie des autres, tandis que l'autre qui n'a aucune estime de soi. Qui est comme l'autre pôle, puis qui passe son temps suggestionner, s'auto-suggestionner qu'il fera jamais rien de bon, puis ça, lui, il est plus en danger de s'enlever la vie à un moment donné parce que il est dans, t'sais, il est pas capable d'émettre, ça y revient tout le temps, puis tout ce qui l'approche, il le convertit pour se flageller. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est tout le temps une question de discernement, d'équilibre, mais il reste qu'on vit sur la dans un monde de déséquilibré. C'est là qu'il va falloir être de plus en plus équilibriste, mais il reste que c'est difficile. Je veux dire, c'est pour ça que moi je prends rien pour acquis. Je pense pas que je suis plus sage qu'un autre parce que quand je regarde ma vie, je me rends compte que je suis pas intelligent. Tu sais, je veux dire, c'est plus ça que je regarde, ce qui va pas, mais c'est pas parce que je me flagelle comme quelqu'un qui a aucune estime de lui-même. C'est juste, au contraire. Je le sais que j'ai des potentialités, je sais que. Mais Ben c'est ça, c'est finalement. parce que tu peux avoir une conscience autocritique sans être dans le masochisme moral. C'est ça. Puis pas non plus être tout le temps dans. T'sais, l'autre pôle contraire, là. Quelqu'un qui. Fait de Qui. l'auto-graduation, là, puis qui il se Ouais. pense tout beau, tout fin. Ben oui, parce que dans tous les cas, ça fait du monde détestable. Sauf que t'en as, ils sont détestables, mais ils vont tout le temps trouver du monde qui les aime pareil. Mais c'est juste que c'est pas de l'amour réel, c'est pas réel. Parce qu'il n'y a pas une vue objective de rien. Je veux dire, si t'aimes une image dans ta tête, c'est pas de l'amour. On pourrait même aller jusqu'à dire c'est de l'idolâtrie. Peut-être pas dans un sens, mais ça suit les mêmes lois de toute façon. C'est-à-dire, tu vas avoir un support qui sert à faire descendre de l'énergie dedans. Puis c'est dans ce cas-là, là, ça devient comme comment je pourrais dire ça? Je m'en vais fatiguer un peu, mais c'est un peu pour compenser, c'est de la compensation. L'exagération, dans un sens ou dans l'autre, c'est tout le temps de la compensation. Ça compense un manque d'identité. Oui. Oui, c'est le bon mot. C'est vraiment le bon mot. Parce que il n'y a pas d'équilibre s'il n'y a pas de centre. Mais pour qu'il y ait un centre, il faut que l'individu ait une densité énergétique, puis souvent il va l'obtenir à travers la colère mentale, ou comme tu disais tantôt, la personne est pleine d'énergie, puis elle est comme dans un état de rayonnement, un peu comme un Christ. Oui. Puis même là, t'sais, la notion de Christ. Mais je l'attendais pas Ben dans là, le il y en a, ils sens. vont broncher, t'sais, parce qu'ils vont dire on peut pas dire un Christ parce que c'est le Christ, puis il n'y en a eu rien qu'un. Même qu'il y en ait un autre, parce que c'est lui qui revient, puis bah. Là, on la voit, l'émotivité liée à ça. Mais il reste que, t'sais, je veux dire, c'est une des forces. Exactement. Le Puis il y en a monde d'autres, accroche. ils vont nous entendre parler, puis ils vont dire, ben regarde, moi je m'en crisse, là, de tout ça. Bon, ben ça c'est parfait. Ben oui, parce que c'est un petit peu ça. Maintenant, j'ai fait un enregistrement. Je disais, rien prendre pour du cash de personne. Puis dire, moi, l'essentiel de ce que je vais avoir dit tout le temps, c'est qu'il n'y en a pas de cash. Il n'y a rien. C'est ça, moi, je trouve le. Tu sais, je veux dire, la voix, puis c'est même pas une voix en plus, mais je parle, ça devrait être ça l'essentiel. Puis là, on peut avancer. C'est un peu comme on est là à courir d'un bord puis de l'autre en traînant des valises vides. À un moment donné, là, il faut prendre un temps puis laisser ça là. Puis en tout cas, moi, je conclurai là, bientôt parce que je deviens fatigué. Non, je comprends. Par contre, concernant la question de la colère mentale, je voulais quand même t'amener à commenter. Dans le fond, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai écouté la télésérie, ça s'appelle Stranger Things. C'est de la science-fiction. C'est sur Netflix. Il y a des gens qui sont abonnés puis qui aiment la science-fiction horreur avec une couleur des années 80. Ils peuvent trouver ça intéressant. Puis à un moment donné, dans un épisode, l'héroïne a parlé de puiser dans la force dans ce qui nous met en colère. Là, je trouvais ça intéressant comme principe. Ah ben oui. Puis même là, ça va contre beaucoup de choses qui ont été populairement admises. T'sais, je veux dire, dans le passé, par les grands maîtres spirituels. T'sais, puis « maître » entre guillemets, puis « grand » entre parenthèses. Dans le sens que t'sais, la colère, c'est quelque chose qu'on a tout le temps enseigné comme étant on l'a tout le temps enseigné d'une façon subjective. On n'a jamais expliqué ce que c'était dans le fond. Ça peut être ajusté, la colère, ça peut être. C'est comme dans le christianisme, là, si on dit les gens qui sont entrés là-dedans, on leur dit la colère, ça peut être une bonne chose. Il y a des saines colère, il y a des saines colère. Ils vont dire, oh là, il s'est choqué qu'une fois là, quand il ramasse les nerfs de bœuf. Bon, dans le fond, c'est pas de ça qu'on parle, là. C'est pas ça la colère qu'on parle. Mais il reste que. On s'est tout le temps fait enseigner que la colère, c'était pas correct par du monde qui voulait avoir le contrôle. Tout simplement. Pour pas que les gens se révoltent contre leur autorité. Ben, c'est ça, tu sais, comme. Puis, dans le fond, ça en fait partie du mensonge. Mais pas le mensonge de la spiritualité, le mensonge de l'être humain qui est pas capable de faire autrement que de se mentir à lui-même. Comme dans le temps, il y avait une religieuse belge, là, Sœur Sourire, là, chantait Dominique, Nique, Nique. Puis un moment donné, dans sa toune, elle dit dans telle année, Richard Santerre était le roi. Il convertit les albigeois. T'sais, tout le temps des exemples de gens simples, puis qui n'ont pas de colère, puis qui sont dans l'amour, puis tout. Mais dans les faits, ça a été un fiasco. Saint-Dominique, puis les Albigeois ont été massacrés par l'Église. Ça, c'est la réalité, la vraie réalité. Puis elle, Sœur Sourire, sa congrégation, ils ont caché l'argent qu'elle avait fait, ils ont tout volé, puis quand elle a défroqué, les impôts, ils ont voulu avoir une partie des bénéfices qu'elle aurait fait, puis sa congrégation, ils n'ont pas voulu donner l'argent, fait qu'elle était totalement ruinée. Puis elle s'était mise à vivre en concubinage avec une de ses amies, là, d'un couple. Puis pour finir sa vie, elle se suicida. Ça, c'est la réalité. Elle a subi comme le Derrière. choc du réel, c'est-à-dire que tu fais de la belle idéolâtrie dans la chanson, tu sais, c'est comme tout est beau, tout est fin, puis finalement la personne crée sa vie des événements oppositionnels, puis ça l'amène au suicide. Et voilà. Et le fait qu'elle a vécu ça, il y en a peut-être des moins naïfs ils pourront pas vivre des affaires de même. Mais c'est qu'on a tout le temps eu du monde qui dit ah, oh, c'est pas correct la colère, puis tout. Mais eux-mêmes, c'est tout le temps une question de domination puis de contrôle. Quand quelqu'un vous dit c'est pas bien la colère, c'est pour vous contrôler. Moi, quelqu'un là, qui vient moraliser, là, oh, la colère, blablabla, il va augmenter ma colère si elle ne pas faire. Ben oui, mais moi ce que j'aimais dans le film de Terminator 3, c'est qu'à un moment donné, il disait la colère est plus importante que la peur parce que la colère amène à passer à l'action, puis c'est un principe de mobilisation. Là, il dit, ils ont intégré des notions de psychologie dans ma programmation en tant que robot. Il enseignait ça à un être humain, puis il Wow. n'y a pas tort. Il y en a qui disaient la peur, c'est un mécanisme de survie. Or, c'est pas vrai, la peur, c'est une congestion du système nerveux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de proies quand ils ont peur et au lieu de se sauver, ils figent. Tandis que le fait qu'ils se sauvent, ça, c'est une mise en mouvement parce qu'il va y avoir un écoulement de l'énergie cumulée. Mais la peur, genre, quand t'es transi, là, t'es pétrifié, là, c'est pas des mécanismes de survie, ça, c'est des mécanismes de mort qui sont là pour qu'il y ait un équilibre dans la nature, pour qu'il y ait des transferts d'énergie, pour qu'il y ait le contexte évolutif planétaire qu'on a, il fallait qu'il y ait des prédateurs et des proies. Donc, il y a des proies qui sont programmées pour figer, parce qu'ils ont été programmés pour être la bouffe Du d'autre prédateur. chose. Fait que ça crée une Ben oui. dynamisation de l'environnement entre le rapport de force entre les proies et les prédateurs. pour ça que je dis, si on regarde objectivement la réalité, comment c'est fait, Oui. on se rend compte que les intelligences qui sont derrière ça sont pas comme on le projette ou comme on l'anthropomorphise. C'est très intelligent, mais c'est pas humain. C'est pas ce qui a fait l'humain, c'est pas des humains. T'sais, je veux dire, ce qui programme le vécu incarné, c'est pas c'est pas des égos psychologiques. Fait que c'est pour ça de faire bien attention. Dans le sens que juste si la personne elle se dit c'est pas normal que j'ai envie de me suicider, c'est pas logique. Puis là, tout d'un coup, au lieu d'être triste puis dans le désespoir, être en crise puis en colère, ben là, il y a des forces de vie qui se manifestent. Parce que ça revient comme être pétrifié par la peur. Puis là, t'es vulnérable, c'est dangereux. Là, de toute façon, si la personne, elle accorde une grande valeur subjective à sa vie, elle risque de la perdre. Ça, Paradoxalement, comme tu le c'est disais tantôt, paradoxal. ouais, c'est ça. Mais Ben oui. je voulais t'amener quand même un sujet qu'on n'a pas abordé. Puis bon, je veux pas extensionner ça non plus éternellement, mais la question de la guerre occulte, c'est-à-dire que quand la personne réalise qu'elle est manipulée, elle peut monter en vibration, en colère, mais par la suite, est-ce qu'elle a à s'inscrire dans une forme de guerre occulte par rapport à des forces retardataires? Ouais, c'est une guerre, mais il ne faut pas qu'il y ait de lutte au sens où on l'entend habituellement. Il va y avoir une guerre dans le sens qu'il y a des rapports de force nouveaux. Mais là, de déclarer la guerre totale à l'invisible, ça veut dire la personne est vaincue d'avance. Ça ne marchera pas. C'est comme ceux qui veulent s'opposer à l'esprit, ils veulent s'opposer au double. Oui, il faut être en prendre, pas en laisser, puis tout, mais il ne faut pas donner de l'importance au sens psychologique comme on l'entend habituellement. Parce que là, il y a des jeux de retour. Il y a toutes sortes d'affaires, il y a des jeux de résonance, il y a des. Le double, c'est bien une valeur, mais si on densifie trop les formes dans le mental, les formes pensées, on va penser, hey, il m'a abandonné, il me sert à rien, il me transmet plus rien, blablabla, mais c'est parce qu'il pue plus. C'est comme si tu densifies de quoi autour, qui est engrammé par de la subjectivité psychologique, nourrie par Oui, bien, ce que certains vont appeler le l'émotivité, puis. périesprit qui va encrasser l'ego, qui va le couper de sa lumière, un peu comme un nuage qui passe devant le soleil, c'est-à-dire plus qu'une cache d'une couche épaisse de crasse, puis de mémoriel, puis de programmation astrale, moins qu'il peut percevoir l'esprit avec limpidité. Oui, des affaires à mener que je me rappelle. Faut le faire, hein? C'est là que je vois que ma mémoire est. Je me rappelle plus si j'ai entendu Bernard dire ça ou si je l'ai lu. Mais Manet, il dit les contreparties. Les contreparties sur les plans, les contreparties cosmiques de l'homme, veulent désespérément communiquer avec lui. Puis. Ça m'avait frappé. Parce que quelque part, c'est parce que souvent c'est l'ego hein, qui est désespéré. Puis il trouve qu'il y a rien. Qu'il n'y a pas de réponse. Ben, c'est-à-dire qu'eux autres, ils n'ont pas de réponse ou de communication avec l'humain, parce qu'eux autres veulent communiquer, puis l'être humain, il est tête de cochon, ou il est orgueilleux, puis il n'écoute pas. C'est ça. Ça veut J'ai dire. remarqué sur. Oui. Il y en a qui sont en communication avec des parts d'eux-mêmes, puis ils s'en rendent pas compte. Ça m'a tout le temps, ça m'a frappé, surtout dans les dernières années. Je me rends de plus en plus compte de ça. Comme par Puis je me rends exemple. de plus en plus compte de. Ben, la personne, elle a des fortes intuitions, vraiment brillantes, là, des fulgurances. Puis elle chiale que son double communique pas avec elle. Elle comprend pas que c'est ça. Ben, Ça concrètement, passe par mettons quelque la part. personne a l'intuition d'arrêter de fumer, puis elle le fait pas, puis elle dit, ah, le doom, il me parle pas, mais alors soit elle paraît Bon. l'idée dans le mental. Ouais. Bon, on peut voir ça comme ça, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, tu pars pour aller en voyage, prendre un autobus pour aller à telle place, puis à la dernière minute, tu sais pas pourquoi, tu veux pas y aller, tu sens qu'il faut pas que tu y ailles. Puis tu vas même lutter contre ça en disant, voyons, j'ai payé mes affaires, puis tout est réservé, puis voyons, faut que j'y aille, qu'est-ce qui me prend? Puis finalement, tu y vas pas, puis tout, puis il arrive un accident. Puis l'autobus tombe en bas d'un viaduc ou je ne sais pas trop. Là, sont tous surpris. Ah, j'ai eu l'intuition de. Puis ils vont s'attribuer le mérite. Puis après, ils vont dire moi, le double, il veut pas me parler, il veut pas. Ben oui, mais. Tu sais, c'est incroyable, pareil, parce qu'il reste que. Ça est passé par où, ça? Y penses-tu que. Ben, ça passait par la psyché de l'individu qui a reçu Ouais. l'information. Parce que, dans le fond, dans ce cas-ci, au niveau de la programmation, c'est qu'il y a eu l'information de ne pas y aller parce que les plans, dans le fond, c'était comme programmé qu'ils continuaient à vivre. Je sais pas, l'information, il a fallu qu'elle passe par un véhicule très proche de lui. Pourquoi il y en a, ils vont dire, ah, mon ange gardien m'a prévenu. Déjà là, c'est déjà plus objectif. On se rapproche, là. Les structures prépersonnelles, puis qui vont se densifier, puis on va se le tirer, je veux dire, moins on va formaliser ces affaires-là, puis là, ça devient encore plus. T'sais, on reste plus disponible, on reste plus sensible. T'sais, pourquoi il y en a, c'est comme dans chez certains peuples, il y avait le double dans certaines cultures, ça n'a pas été parlé, ça, beaucoup. Mais juste dans la mythologie germanique, des fois, il va être question le double. Puis il disait, celui qui marche auprès de moi. T'sais, après, tu as les Perses puis d'autres peuples, l'affaire des anges. C'est juste que ces phénomènes-là, on les comprend pas parce qu'on a tout le temps mis des formes, des doctrines. Après, les théosophes sont arrivés à le double éthérique. Mais oui, mais ça a des structures qui font partie de l'homme, qui ont pris des millénaires à se faire, à se construire, à se densifier. Puis le monde, ont, mon double, il veut pas me parler. Double, il veut pas me répondre. À un moment donné, ils vont arriver là, dans les derniers temps de leur vie. Ils vont avoir pendant des décennies voulu communiquer avec leur double. Puis à la dernière minute, ils vont se rendre compte qu'ils ont communiqué avec toute leur vie. Ben exactement, ben ça m'amène au phénomène de la pensée. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, ben la pensée, elle vient quelque part d'un double ou de l'astral, mais il y a des réalités derrière ça. Tu sais, Ça. si c'est pas l'individu qui génère la pensée, il faut qu'il parte du principe qu'il est déjà en contact avec l'occulte. La minute qu'une pensée qui te passe dans le mental, c'est parce que tu es en contact avec une Ben oui. ouais. Tu sais, c'est comme l'être humain, il pense qu'il fabrique ce qu'il pense. Il pense qu'à mesure, il construit. C'est l'auteur pense, ah, tout d'un coup, là, j'ai eu la capacité d'écrire tel roman. Puis, pourquoi anciennement on parlait d'inspiration? Pourquoi les muses? Puis c'est quoi ces affaires-là? C'est ça, dans le fond. C'est quoi ces niaiseries-là? Puis c'est la même naïveté au niveau le destin, par exemple, c'est-à-dire la programmation, les parcs, la roue de la fortune. C'est quoi ces vieilles niaiseries-là? Ça fait partie de la subjectivité de l'âme collective, mémorielle, expérimentale, planétaire, humaine. Mais l'autre bord de ces formes-là, il y a des réalités. Puis le jour où ce qu'on va, c'est que ça sera plus divisé en réalité, là, on va commencer à avoir une vision panoramique. C'est ça, Mais une en même temps, conscience intégrale, ça. ouais, ben c'est ça, c'est parce que c'est le mental avec son intellect qui segmente la réalité. Alors que en réalité, justement, il y a une réalité, comme les gens en physique quantique, il y a un seul champ quantique qui vont dire là. Ouais. Ouais. Même le monde qui sont qui s'intéresse à la. Même les physiciens quantiques, à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est passé. Puis là, il va y avoir un autre physique. Ah oui, ben, il y a une cumulation des approches de la physique. Tu sais, il y a eu la physique à la base avec Aristote, avec la notion d'atome. Ensuite, il y a la physique de Newton avec la loi de la relativité. Puis là, il y a la physique quantique. Puis il y aura sans Newton, doute c'est la la gravitation. gravité, la loi de la gravitation universelle. Ouais. Oui, tu as raison. C'est Ensuite. Einstein, la relativité, après t'as Planck. Mais de toute façon, c'est juste pour dire, parce que c'est pas important tout ça, là. C'est juste pour dire que c'est tout le temps parcellaire. Le jour où ce qu'on va réunir toutes les physiques ensemble, puis que ça se contredira plus, là, on va avoir de la métaphysique. Mais ça va devenir la physique. Oui, Ça va être de la physique pareille. non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est parcellaire, mais on s'entend entre Aristote, sa conception de l'atome, puis la physique quantique, il y a un mur, c'est beaucoup plus complexe, la physique quantique, que la vision aristotélicienne de la matière. Ben, tu trouves pas ça plus simple? Dans le fond, est-ce que c'est pas les philosophes classiques qui sont les plus compliqués? Dans le fond, je veux dire, en tout cas, tu sais, c'était une autre C'est un autre affaire, mais. débat, là, mais en termes d'équations mathématiques pour Ah appréhender la oui, réalité. ouais, tu sais, c'est comme comparer la géométrie euclidienne avec. Finalement, c'était bien beau. C'est belle fun, mais c'est pas tout. Oui, ben c'est pour ça que tu nous parles de mécanique vibratoire. On avait déjà fait un enregistrement ensemble que tu nous disais qu'éventuellement, il faut en venir à la mécanique vibratoire au-delà des différents types de physique. Ah oui. D'un coup, par univers, il y aurait juste quatre particules. Dans le sens que c'est. Là, on retomberait avec des vues d'avant. D'avant Aristote. Fait que là, tu sais, ça devient. Le problème, c'est que l'intelligence intellectuelle, c'est un peu comme un. C'est un peu comme la lune qui éclaire bien gros. Puis là, tu viens que tu vois plus les étoiles. Tu vois plus. De toute façon, il paraît que quand tu es sur la lune, tu vois aucune étoile. C'est ce qui aurait été dit. Là, je ne suis pas en train d'entrer dans le débat à savoir s'il y a du monde qui sont allés ou pas. Mais même avant, les astronautes, puis il y a des gens qui ont prétendu être allés sur la Lune. Comme Emmanuel Swedenborg, qui serait allé sur la Lune. C'est juste qu'il serait allé en forme astrale. Donc, c'est sûr que la Lune qu'il aurait vue, ce n'est pas la Lune que des astronautes vont voir, parce que c'est l'astral de la Lune. Fait que là, mais même là, c'est-tu du délire, c'est-tu. On s'en fout. On s'en fout. Ça nous laisse de la marge pour plus tard. Parce qu'à un moment donné, peut-être, je vais me rendre compte que je peux me promener plus que je pensais. Plus je vais dire, je vais aller voir ça, la Lune. Tu sais, pourquoi pas. Mais dans le fond, je pensais Bernard qui avait dit oh, mais que je mange, je vais aller visiter le soleil. Ça m'intéresse, je veux voir ça, le soleil. Pourquoi pas? Bien, il y en a qui ont vu dans ce propos que c'était un être solaire qui retournait à son essence, c'est-à-dire l'énergie solaire. Ah oui, puis d'un coup, le soleil, c'est comme une porte à un autre niveau. Une porte interdimensionnelle qui met en relation avec un trou noir qui amène sur une autre forme de réalité plus éthérique, comme un lieu de passage, une porte des étoiles. C'est pour ça l'affaire de contrepartie la contrepartie cosmique, comme quelqu'un qui est dans le désespoir, des suicideurs, on peut dire c'est un trou noir quelque part. Mais peut-être qu'il y a une contrepartie qui est comme un soleil. Mais il y a une dichotomie qui fait que. Ouais, je comprends une grande polarisation entre le volet terrestre qui peut être très sombre, mais ça va contrebalancer le volet très lumineux ou spirituel qui peut être dans une réalité parallèle. Et ça. Dans le fond, l'évolutionnaire, c'est de. Mais là, ça peut pas se faire d'un Ben, c'est coup, on est dans le neutraliser désespace, les tu sais. forces, là, les équilibrer, là. Ouais. Oui. En tout cas, moi, je vais devoir aller dormir. Oui, on va arrêter l'enregistrement, bien que c'est intéressant, puis on pourrait parler encore sans doute pendant plusieurs heures. Donc, comme à l'habitude, je te remercie pour le temps consacré à cet enregistrement. Ben moi aussi, je te remercie, je veux dire. Il n'y a pas des affaires que je dis que je ne le savais pas, je dirais ça. Ben ça devient justement, ben moi aussi de mon côté, je réalise des choses en même temps que je te parle. Donc, ça nous apporte, je pense, mutuellement là, ces conversations. Puis, le simple fait que de dire des choses à voix haute, bien, ça nous permet d'y réaliser davantage. Oui, tout à fait. Fait que ces conversations sont propices à le déploiement de l'intelligence qu'on peut porter. Donc, sur ces mots, on va conclure l'enregistrement et je vais rappeler aux gens qui nous écoutent que, bien entendu, Berthold, vous pouvez retrouver là, plusieurs de ses vidéos là, sur le web. Donc, que ce soit sur YouTube ou Odyssey. En fait, sur ma chaîne Odyssey, je rappelle aux gens que vous pouvez retrouver des vidéos exclusives, que ce soit avec Berthold, d'autres invités comme Mona, avec laquelle j'ai fait une entrevue au mois de juillet là, 2022, ou moi-même en solo. Donc, c'est sûr que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne Odyssey pour être à l'affût de l'ensemble des contenus que vous n'allez pas nécessairement retrouver sur d'autres plateformes de diffusion web. Puis bien sûr, bien, les gens qui s'intéressent, bien, vous pouvez vous abonner aussi là, à la chaîne de Berthold ou de Supramental Berthold qui va reprendre des extraits là, des vidéos qu'il produit. Donc, il y en a plusieurs centaines qui existent et comme on parle depuis plusieurs années ensemble, j'ai toujours l'impression qu'à un moment donné, on va faire le tour des sujets, mais c'est le fun parce qu'on rajoute tout le temps des choses. Ça n'a pas de fin. Oui, c'est ça. Quand on parle de la conscience qui est à quelque part infinie, ben, on peut en parler à l'infini. Ben oui. Donc, sur ces paroles, là, c'est vrai, je conclus. Donc, comme à l'habitude, je te remercie pour tout le temps consacré pour l'enregistrement et je te dis à bientôt. À bientôt. Bye.